bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h, 21h30 pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Nouvelle émission, nouvel horaire, mais on change pas une équipe qui gagne. Le programme ce soir, on va évidemment continuer à parler du futur rachat probable des Girondins de Bordeaux par les Américains de GACP. On va parler transfert évidemment avec nous dans quelques instants. Manu Longeon, journaliste Yahoo Sport, spécialiste du mercato, qui nous donnera sa vision du club et du mercato bordelais. On aura le point de vue d'Adrien et de Cyril, qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui n'ont pas pu nous dire ce qu'ils pensaient donc de ce futur rachat par les Américains du FCGB. L'avant-match, l'après-match de Ventspils Bordeaux et l'avant-match de Bordeaux Ventspils, puisque c'est jeudi 20h45, premier match de la saison au nouveau stade Matmut Atlantique René Galis. Et on terminera l'émission par le petit jeu qu'on vous a proposé sur Twitter, le Mercato GA, voilà, merci Enzo. C'est Enzo qui vous fera un petit débrief de tout ça. Il a amené plein de petits papiers. On aura des auditeurs au téléphone qui ont participé, qui vous donneront le mercato qu'ils ont mis en place. On avait fixé des petites règles, genre 10 millions, machin, tout ça. Enfin, voilà, on vous expliquera. Voilà, on terminera là-dessus. Je crois, si on arrive à caser tout ça, ça sera déjà pas mal. On salue nos amis du chat présents ce soir qui sont en train gentiment petit à petit d'arriver un par un. Il y a Dexter d'Agroza, salut Dexter, évidemment, Juju, Rémi Gia, on salue Rémi le pauvre, il est notre copain Rémi qui d'habitude est autour de la table, mais ce soir il est un petit peu... C'est comme... comment il s'appelle dans le dîner de con là? C'est juste. Justement. C'est Thierry Lhermitte dans le dîner de con. Je sais pas quel est le nom de ce personnage. Bah c'est monsieur. C'est pas Blanchard. Mais c'est Grosjean. Grosjean. Grosjean. Gros, mais ça s'appelle. Ah, oui. Il est méchant, monsieur Grosjean. Monsieur Brochant. Brochant. Brochant, on te salue. Le pauvre, non, allez. Avec un peu de chance, il sera de retour. Tu as trouvé son jingle de présentation. Ah, mais voilà. Bien joué, Marquinhos. C'est clair. Il est mignon, monsieur Pignon. Il est méchant, monsieur Brochant. Ouais, ça va. Mais Rémi, désolé. J'aurais aimé trouver mieux ou plus sympa, mais ça tombe sur toi. Désolé. Avec moi ce soir, présent en studio, il y a Enzo. Salut Enzo. Salut tout le monde. Comment ça va mon bonhomme? Bah écoute, ça va. T'es chaud pour jeudi, prêt à reprendre le chemin du stade? Surtout que moi ça fait longtemps. Le dernier match que j'ai vu c'était Paris, c'était le plus fin en 2018, j'en ai vu qu'un seul. Pour ça on est d'accord que c'est un match tout pété. Hein. Ouais non mais d'accord, mais ça va être le deuxième match de 2018 que je vais voir, bah, vu que j'étais en Angleterre, et je te jure que l'ambiance... Oh le pauvre, il est juste allé voir Manchester City Chelsea, non c'est quoi? Non mais je suis allé voir Tottenham City, ouais. Je vais avoir plein d'autres matchs, mais ça vaudra jamais mes Girondins. Adriano. Bonsoir. Ouh, tu t'es coupé les cheveux Adrien, non? Ah non, non, non. Ah bon. Ils sont tombés comme ça, direct. Non, j'ai gagné 10 kilos grâce à ça. Non mais ça va sinon. Ça va, la ça forme, va. La reprise, la patate? Oui, ça va, la forme. Bon, je suppose évidemment que t'es pas en cours en ce moment. Non. Bah oui. Non, je ne suis pas encore, je suis attelé à travailler pour Girondins Analyse. C'est bien. Comme tels des professionnels que nous sommes. Tu as raison mon petit. Tels les accréditations que nous n'avons pas eues. Une fois de plus, mais nous persévérons et nous ne lâcherons ça, pas. Ça, je vous l'avais dit avant même. Comment est-ce que vous mais faites une carte si de presse? Mais si quelqu'un donne une non, carte par de presse. Contre, alors, si vous avez une carte de presse. Là où on a été con, c'est juste, j'ai légèrement demandé à Jade si elle n'en avait pas une, parce que vu qu'elle a ses études, c'est la tente, peut-être qu'avec un peu de chance. Si absolument pas, voilà, j'ai la réponse. Voilà. Ben voilà, c'est pas grave, et on la garde quand même. Un ami qui. Jade, si tu nous écoutes, on t'en veut pas, on te garde quand même. Marquinhos, ça va Marco? Bien et toi? Bien, tu sais bien, que bien. Maintenant je suis. Écoute, t'as pas oublié la clé, moi je suis content. Non mais je la sortais pas de la voiture, donc comme ça je risquais pas de l'oublier. S'il se fait voler la bagnole, on est pas bien. Si j'arrivais que je me fasse facturer la voiture, je te rappelle. J'allais dire, c'est arrivé presque. Non mais quand même, les mecs sont pas tordus à ce moment-là pour piquer une clé qui. Ils sont assez tordus pour te piquer un téléphone à 50, même pas 50 euros, c'est un Galaxy S2, le truc il a 8 ans, il marche plus, il tient 2 minutes s'il est pas branché sur un secteur, et ils te le prennent, tu sais, donc à un moment. Les cons, il y en a, ils sont bien. Ça hausse tout, et c'est surtout à ça qu'on les reconnaît. Référence, évidemment, personne ne va la voir. Si. Merci Adrien. Si, j'ai la référence, mais je n'en ai pas le nom. Oh, quel escroc, mais quel escroc, les tontons flingueurs. Cyril, comment ça va mon Cyril? Ça va bien. Alors Cyril, vous l'avez pas entendu vendredi, pourquoi? Parce qu'avec Clément. J'étais en mission. Vous les avez peut-être vus à la télé, Ils ont fait 3 étapes du Tour de France. B2 du coup, puisqu'on a eu un problème vendredi soir. Ah bah oui, mince, ah oui, c'est vrai. Donc vous avez fait le contre-la-montre. Non, on a fait la victoire de Arnaud. La victoire de Démarre. C'était à Pau ou à Espelette? À Pau. À FDJ. Le lendemain, vous avez fait l'étape, entre guillemets, de. La dernière étape de montagne du Tour. Avec l'obisque, le Soulor. On était au col du Soulor. C'est Roglic. Roglic qui avait gagné, effectivement. Donc voilà, mais nous, on avait Bardet qui était devant donc pendant la montée. Donc. Et c'est là où il y avait tout le brouillard et tout ça, c'est ça? Ah ouais, brouillard de dingue. J'écoutais à la radio, il disait qu'il y avait un brouillard de dingue. Mais c'était énorme. Honnêtement, sur le plat, moi je roule pas comme eux, ils roulent pas en montagne. Bah, c'est sûr. Une vitesse. C'est surtout quand le lendemain. Tu sais que quand tu vois la cote, parce que tu dis 8%, c'est pas énorme. Mais honnêtement, alors, mettez-vous dans une descente à 8%. Vous allez voir. Alors on rappelle pour les gens qui sont peut-être pas trop vélo, quand on dit une pente à 8%, c'est-à-dire que pour 1 mètre de avancer, tu montes de 8, c'est ça? Oui. C'est 8 pour 1, en fait. C'est ça, je sais plus exactement. Enfin, en tout cas, c'est très pentu, honnêtement. C'est-à-dire que tu montes de 8 degrés pour 1 mètre de route. C'est-à-dire que pour 100 mètres, tu prends 8 mètres de haut. Et il faut savoir que la télévision écrase beaucoup l'image. La télévision écrase énormément, oui. Et du coup, ils sont passés, mais honnêtement, à une vitesse. Je peux pas vous dire à quelle vitesse, mais. Le cul sur la selle, évidemment, pas en il y avait personne qui dansait. T'as plus le temps de danser à cette vitesse-là. Bien, ok. On va, parfait. Alors on va pouvoir. Je crois que j'ai rien oublié. Le chat, c'est bon. Vous pouvez nous joindre évidemment au 05 56 35 31 pour réagir en direct. Mais juste après notre invité du soir, qui est déjà au téléphone avec nous, on va l'accueillir tous ensemble. C'est Manu Longeon. Bonsoir, Manu. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va parler évidemment, alors journaliste Cyril. Alors c'est un journaliste qui travaille pour Yahoo Sport. Voilà. Donc vous pouvez le suivre sur Twitter. Il a un compte qui est très actif avec des vidéos où il parle régulièrement de soit des matchs quand c'est la saison ou du mercato quand c'est la période du mercato. Bien plus tard, Jackie et Michel. T'as repris un petit peu, Manu, ou t'es en mode un peu vacances Non. C'est tout l'inverse. Je peux pas trop, tu vois. Je fais le mercato, donc je suis en vacances, mais je bosse quand même. Quoi. Là, il vient de te citer Jackie et Michel, c'est-à-dire c'est la deuxième fois en 2 émissions consécutives que ce nom apparaît à l'antenne. Il est en roulis total. Là, il est pas en vacances. Là, d'ailleurs, merci vraiment, Manu, d'avoir pris un peu de temps en direct depuis la bâche des Baléares où t'es en vacances. Alors pour tout te dire, puisque ça intéresse toute la Gironde. Je suis à la Grande Motte. Oh bah voilà, écoute, du côté de Montpellier donc. Oui. C'est ça. Et est-ce que après tu fais comme certains qui ont donné qui étaient à la Matmut, est-ce que tu vas à la petite motte après? Oh, ça va être mauvais. Voilà. Ah non mais on a la Matmut Atlantique, les mecs, je me laisse pas aller, ils ont fait, j'étais obligé la Grande Motte, la petite motte. Plus personne qui. Bon, justement parce que j'ai fait. S'il vous plaît, on va essayer de parler un petit peu sérieusement. Donc Manu, moi on va commencer, on va d'abord rappeler que à Bordeaux, c'est l'urgence, enfin le grand fait, c'est le rachat des Américains. Est-ce que tu as suivi un petit peu ce rachat et ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai suivi évidemment, puisque je m'intéresse aux choses du foot, et puis Bordeaux est une place importante du football français. Après, je t'avoue que j'ai été étonné par la rapidité à partir du moment où on a dit oui, c'est vrai, ça va se faire, et le moment où ça s'est fait. Je sais pas, il y a eu 2-3 jours entre les premières vraies rumeurs de oui, ça va se faire, et 3 jours après, c'était fait. J'ai trouvé ça extrêmement rapide. Ça a commencé, en fait, les négociations ont commencé vers novembre 2017. Oui, ouais, mais si tu te souviens, il y a eu un stand-by. Oui, oui. Et, moi, c'est comme ça que je l'avais vu, il y a eu un stand-by, et après, il y a quoi, 2 semaines, il y a eu, oui, mais ça y est. Il y a eu une grosse accélération, du dossier. C'est ça. Alors, je connais pas la raison. Je pense que c'était probablement lié à Malcolm, mais après, Le départ de Malcolm a accéléré pas mal de choses. On va pas se le cacher, parce que du coup, comme M6 avait lourdement investi sur Malcolm, parce qu'on l'a payé en plusieurs fois, on a d'abord acheté 50% du joueur, puis l'année dernière, on a racheté le reste des parties, en sachant que l'année dernière, M6 a été plutôt en déficit. Donc du coup, je sais que Malcolm a énormément compté dans la reprise. Moi, j'ai une question, Manu, parce que en même temps que je vais te la poser, j'ai la réponse sous le nez, mais je vais quand même te demander. Moi, il y a une chose qui m'a surpris quand même, c'est le montant de ce rachat. On parle de 100 millions. De sommes autour de 100 millions, quand on sait que Lille a été racheté pour 80, Paris seulement, entre guillemets, 79, et Marseille surtout 45 millions. qu'est-ce qui justifie, enfin, si tu as des renseignements là-dessus, qu'est-ce qui justifie un tel prix? C'est énorme pour Bordeaux. Ah bah oui, mais alors pas forcément un lien par rapport aux actifs du club. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au moment où Marseille est vendu, par exemple, au niveau des joueurs... Non, il n'y a plus grand-chose. C'est pas grand-chose. Gignac est barré, je crois, il n'y a c'est plus... Ça. Voilà, mais souviens-toi, il n'y a pas très longtemps, puisque c'était au début de l'été, par rapport à Saint-Thé, c'était exactement la même chose. C'est que quand tu arrives, que tu peux dire « je suis un grand club », tout ça, les mecs qui t'achètent, ils veulent savoir c'est quoi tes actifs. Et Bordeaux a cette chance-là, en fait, c'est que, par exemple, d'avoir un mec comme Koundé qui vaut très cher, tu vois, qui a une valeur. Et il y a le Haillant. Voilà, c'est le Haillant. Qui vient d'être nommé. Même si c'est un peu... On t'entend très mal. On t'entend très mal, ça vient de couper. Alors non, en fait, c'est ça, t'es vraiment à la grande mode, mais t'es au creux de la grande mode, parce que je capte plus rien, là. Là, ça va mieux, là. T'as des actifs. T'as des actifs à Girondins, par exemple, oui, t'as le Haillant. Les Girondins, ils sont propriétaires du centre d'entraînement. Ouais, mais après Manu, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais aussi il y a quelque chose aussi qui est quand même important, c'est que Marseille, au moment où ils sont revendus, il y a Margarita, elle recherche absolument à vendre le club. Alors que là, t'as Nicolas Taverneau qui, quand même, il avait pas non plus une deadline. Oui, il pouvait se permettre d'attendre un an de plus. Même si ça avait quelques temps quand même qu'on le pousse, il avait quand même, on va dire, le temps de vendre. Il y a aussi une chose qui est assez incommensurable, qui est très différente des autres villes, c'est Bordeaux. C'est une marque. C'est-à-dire que t'as Marseille. Au niveau du foot, ça parle à l'Europe entière, au monde entier. Mais la ville de Bordeaux est connue dans le monde entier. Et en plus, avec une image qui est extrêmement positive, d'espèce de raffinement, de luxe, de vin, tu vois. Oui, j'avais vu un sondage il n'y a pas très longtemps, comme quoi en 2017, c'était la ville la plus touristique d'Europe. Oui, c'est pas ça. Oui, oui, oui. Bordeaux a été entre 2000... En fait, c'est la hype depuis 2012-13. Bordeaux est régulièrement dans tous les classements, de tous les sites de première destination des Européens, des Mondiaux, des Parisiens, tout ce que tu veux. Et puis moi, les Américains, quand on me demandait, je sais pas si vous vous souvenez, je disais toujours que je voyais bien Bordeaux être acheté ou par des Américains ou par des Chinois, par rapport ne serait-ce qu'à l'image et au marché du vin. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que Bordeaux aussi, ça fait partie du prix, toutes ces choses-là. Mais après, il faut comprendre que dans les 100 millions, on a évoqué 100 millions, il y a le prix de Malcolm qui est compris dedans, qui a fait grimper ça. C'est ce que j'allais dire. Si Malcolm, il est vendu 40 et que tu l'achètes 100, bah, c'est un peu comme si tu avais vendu 70, tu vois, une fois que tu as tout payé. Et il y a de Taverneau qui a précisé que le prix allait varier en fonction du mercato, s'il y avait un bénéfice sur le mercato ou l'inverse, le mercato était trop cher. Moi, je m'étais fait la réflexion inverse de la question précédente, c'est qu'en fait, quand j'ai vu que c'était vendu 100 millions, et que je me suis dit, si Sabali part pour 15 et Malcolm pour 40, ça veut dire qu'au final, tu as acheté moins de 50, quoi. Voilà. Manu, toi qui suis vraiment le foot et qui a suivi un petit peu les reprises de clubs, on a entendu notamment dans le projet que les Américains allaient mettre 80 millions d'euros pour développer le club, et notamment en Chine et aux États-Unis. Sur trois ans. Est-ce que c'est une somme qui est, d'après toi, raisonnable pour développer un club à l'international? J'ai envie de te dire non, mais après ça dépend de quel développement on parle. Si tu me dis, je pense que c'est commercial, c'est pas forcément pour l'équipe. C'est exactement ça, parce que si tu me dis au niveau du mercato, pour être très clair, aujourd'hui 26 millions par an, c'est trop bas. C'est que de chi, si tu veux développer. À moins de faire un bon coup à chaque fois, comme Malcolm, mais tu peux pas le faire ça tous les ans, quoi. Non, malheureusement. Mais après le développement au commerce, ce qu'il y a surtout, c'est que le marché américain et le marché chinois, ce sont des choses qui sont colossales. Donc, tu peux imaginer, par exemple, une tournée des Girondins. Regarde aujourd'hui combien prennent des clubs comme Paris, comme Lyon, ou quand ils vont jouer à l'étranger. Ouais. Ça se chiffre en millions d'euros à chaque fois. Après, Manu, est-ce que toi, tu penses pas personnellement que investir plutôt sur le marketing et sur la com comme ils veulent le faire les Américains, c'est pas plus judicieux que directement investir dans le mercato, où tu vas être un peu attendu, bien sûr, mais tu vas être un peu attendu parce que t'es les nouveaux repreneurs, t'es censé arriver avec de l'argent, Alors que quand tu investis directement, après, ça veut dire que tu peux attirer des sponsors, des tout ça. Et du coup, ça t'apporte aussi de l'argent derrière. Et c'est important. Tu as besoin des deux, parce que si tu veux communiquer et si tu veux faire connaître et vendre le produit Bordeaux Foot à l'étranger, il faut que ce produit soit valorisé. Surtout avec les nouvelles horaires qui ont été faites, et spécialement, on va dire, pour le marché asiatique, avec les matchs à 1h et autres. Avec une finale de trophée, avec un trophée des champions samedi à 14h. Ouais, je crois, si je me trompe pas, peut-être que même tu vas me rattraper, mais je crois que c'est pendant 3 ans, c'est signé que ça va être en Chine. C'est ça, mais souviens-toi, le test qui concernait pas Bordeaux, mais le Nice PSG, qui avait été fait à 13h de mémoire. Ouais, midi ou 13h, ouais. Voilà, ça avait fait un carton. L'année dernière. Ouais, mais après, de toute façon, même si c'est en tant que supporter, c'est un horaire qui est pas forcément convenable, c'est clair qu'après, niveau marketing et audience, c'est vraiment intéressant. La L1 franco-française, c'est fini, c'est dans un truc global. C'est dans un truc avec Neymar, c'est dans un truc avec des Ricains, c'est dans un truc avec des Chinois, c'est dans un truc avec des Qataris, c'est dans quelque chose d'absolument global. Donc, et tu te doutes bien que le supporter n'est pas la priorité dans ce marché-là. À ce sujet, après, on va passer sur ça. Manu, est-ce que au niveau du mercato, comment tu le sens, le mercato des Girondins? Est-ce que t'as des infos? Est-ce que t'as tout ça? Enfin, est-ce que tu sens que ça bouge un petit peu ou... Oui, ça bouge. Oui, ça bouge. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les profils et les montants, du coup. Parce que je pense que l'erreur à commettre, et j'ai, pour tout dire, l'impression qu'elle est commise par certains des supporters des Girondins, c'est que, par exemple, quand tu leur parles de Salibur, j'ai vu des commentaires genre ouais, on n'a pas été racheté par les Américains pour faire Salibur. Je crois que c'est une erreur de réagir comme ça. Mais Salibur est un très bon joueur. C'est exactement ce que j'allais dire. Et qu'en plus, il faut arrêter de croire que parce que le mec il arrive, tu vas avoir des joueurs à 20, 25 ou 30 millions. C'est ça. Impossible. Donc moi je pense que l'idée de j'ai vu du repreneur qui était la même que ceux qui voulaient reprendre Saint-Étienne, qui est la même que Lille aussi. Et en fait, c'est de faire du Porto à la française. C'est-à-dire de te prendre des mecs à 19-20 ans, des prospects, de bien les choisir, de bien les former, de bien jouer et de faire de l'argent avec. Comme le fait Monaco. Pour renforcer ton équipe. Exactement. Mais Monaco, là où la différence qu'il y a, c'est que Monaco, là où ils sont super forts, c'est qu'ils sont capables de te mettre, par exemple, souviens-toi, 15 millions sur Mendy, de mettre 18 millions. À l'époque, c'est combien qu'ils avaient mis sur Diakabé, je crois. Ouais. Lemar, 10 millions. Alors qu'il a fait 6 mois à Caen. Alors qu'il faisait 6 mois à Lyon, enfin formé à Caen et prêté par Lyon. De mettre 15 millions sur Bernardo Silva, qui était en deuxième division portugaise, et ce qui avait fait rire tout le monde en disant ouais, c'est de la magouille, et au final ils l'ont vendu 80. Après, ils n'ont pas les mêmes moyens non plus, on va pas se mentir. C'est pour ça que pour moi, le projet de Monaco, est, si tu veux, c'est plus efficace. Mais c'est un niveau qui est bien poussé à l'extrême que pourra faire les Girondins de Bordeaux. Moi, c'est pour ça que je pense que Bordeaux, l'idée, tu vois, tu parlais de Malcolm. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. Dans les rumeurs, il y a un petit Brésilien, Pedro, qui revient assez fréquemment à Bordeaux. C'est typiquement le genre de joueur. Ouais, il a 21 ans. Donc, ouais, il coûte combien? 11, non, c'est pas ça. Ouais, un peu plus de 10 millions d'euros. Sauf voilà. Que si ça marche pas, tu te fous dedans, quoi. Oui, mais ce qui est finalement le total que tu as payé presque pour Malcolm, voire plus. Donc Malcolm a quasiment payé 15. Voilà. Ouais, mais après, l'erreur aussi, c'est de se dire, bah oui, mais regarde, on a payé ça pour Malcolm. Le problème, c'est que Malcolm, aujourd'hui, c'est un investissement qui est payant, qui est rentabilisé et qui est même valorisé. Mais le problème, c'est que pour un club comme Bordeaux, si tu mets 10 millions sur un mec, tu peux pas te permettre de te tromper deux fois ou trois fois, tu vois. Mais c'est ça, et c'est surtout des profils, vu que cette idée de faire un sort de Porto et tout ça, même avant l'arrivée des Américains, c'était une idée qui était évoquée depuis 2 ans, peu près. Dès l'arrivée de Malcolm, on commença, et d'Aaron Barry, même s'il n'a pas fait derrière la carrière qu'il fallait, ou de Bernardoni derrière, c'est de l'idée d'acheter des jeunes et de faire de la post-formation et d'arriver derrière à les revendre. C'est surtout les offensifs. Enfin, moi, la lecture que je fais des rumeurs à l'heure actuelle, c'est de l'international et d'expérimenter derrière, et des jeunes prospects, comme tu dis, pour les devants. Donc, on a entendu parler de Bergwijn au PSG. Bon, il s'est avéré que c'était mort. Bradaric, c'est un international milieu défensif. Donc, il a 26, je crois, voilà, 26 ans. On a l'impression qu'on se penche plus vers des jeunes talentueux sur l'attaque. Peut-être parce que c'est beaucoup plus cher d'avoir des internationaux à ce C'est-à-dire que les offensifs, ça se vend beaucoup, beaucoup plus cher. Après, moi, je trouve qu'on n'est pas malin, sans parler d'internationaux, je pense qu'il y a des joueurs qu'on aurait pu et qu'on aurait même dû aller chercher. Quand je vois que Clément Grenier part de Guingamp à Rennes, je me dis, on n'est pas capable, nous, FC Girondins de Bordeaux, et pourtant, Grenier, il n'est pas cramé, il n'a pas 30 ans, Grenier, il doit avoir 27-28 ans. Mais il était gratuit. Non, mais me dites pas que Grenier prend 500 000 euros par mois quand même. Si Rennes, non, mais il a un gros salaire. Hein, comme Rennes, ils ont vraiment fait l'effort. Hein. Comme Casserie. D'ailleurs, c'est assez amusant, c'est-à-dire qu'en fait, Rennes, et ils ont eu bien raison de le faire, a fait avec Grenier ce que Saint-Té a fait avec Casserie, c'est-à-dire qu'ils se sont mis les moyens de le faire, c'est tout. Sur le chat, on a comment s'appelle-t-il, Azap Ruby, qui nous dit: oubliez pas que pour continuer ce projet, on a Zaïdou, Koundé et Tchouaméni, donc c'est des très grosses plus-values qui arrivent. C'est-à-dire que oui, c'est exactement ça. On en a déjà. Quand tu parlais de la valorisation, un mec comme Koundé, aujourd'hui, au niveau de sa valeur, sincèrement, je sais pas, mais j'aurais envie de te dire une connerie, mais pour moi, c'est quelqu'un qui vaut peut-être 20, 25 millions de minimum. Quand tu vois Diop, 25 millions d'euros, tu peux penser que Koundé, il est dans ces eaux-là. À confirmer quand même, parce que Koundé n'a fait, entre guillemets, alors c'est pas pour dénigrer, mais n'a fait que, entre guillemets, 6 mois ou 5 mois de vraiment, où il a explosé. Ah, maintenant, il faut confirmer, c'est plus compliqué. Quoi. C'est exactement ça. Et puis, Diop n'était pas, il ne s'est pas révélé cette saison, parce que l'été dernier, il devait signer à Monaco pour 14. Donc, il a juste confirmé. Après, là où tu as raison, c'est que des mecs comme... T'as un dauphin derrière toi ? Non, c'est la famille qui s'amusait à faire ces bruits-là. C'est bien drôle. Voilà. Fais gaffe, il va te piquer ta merguez. Non, mais après, ils ont des moyens à... Ils ont du potentiel, Bordeaux. C'est-à-dire, quand tu parlais de valorisation tout à l'heure, t'as trois jeunes que moi je connais. Après, je suis pas un spécialiste des Girondins, mais s'ils sont capables de sortir deux, trois jeunes du centre de formation chaque année, dont un qui performe, le projet sera rentable et plus que ça. Il y en a un ou deux qui vont pas tarder à arriver aussi. Donc quand on pense au petit Amadou Traoré, au petit Alain Clément, il y a quand même deux, trois jeunes qui ont 16, 17 ans qui sont très prometteurs. Il y a un temps encore. Et l'erreur que ne commettra pas Bordeaux, c'est de faire une Lille bis, c'est-à-dire que on a beaucoup raillé et ça peut se comprendre, le projet de Lille, mais qu'en fait à Lille, ce qu'il leur manquait, c'était pas les jeunes qu'ils avaient achetés qui n'étaient pas bons, c'est juste qu'ils avaient mis personne autour pour les encadrer. Et Bordeaux a cette chance-là, c'est que quand t'as Benoît Cotti, quand t'as Folbeil, quand t'as Basile, des mecs qui ont vécu et qui sont capables à un moment de te dire calme-toi, tu vois. Ce que tu vis, je l'ai déjà vécu. Ça compte. Ouais, mais à contrario, il y a une petite rumeur qui court du côté de Bordeaux comme quoi Poyet serait plutôt en danger. Donc avec l'arrivée, alors on parle de Poyet, on parle de Ramé. Il y a pas mal de gens, je pense, qu'ils ont en danger. Je pense que Ramé, il est clairement en danger, pour te dire exactement le fond de ma pensée. Après, ce qui peut se comprendre, quand un nouveau propriétaire arrive, il veut mettre ses hommes de confiance en place. Moi perso, ça me choque pas. Hein. Poyet, pour moi, il est pas en danger. Parce que pour le moment, il apporte une plus-value et que Bordeaux se qualifie et a des résultats, je pense qu'il restera. Par contre, il y a des profils comme effectivement celui du Ulrich Ramé. Quand tu arrives et que tu mets ton argent, quand tu sais à quel point le choix du mercato est primordial et capital dans la rigueur et dans la validation du projet que tu as, évidemment que s'ils ne mettent pas quelqu'un à la place d'Ulrich Ramé, ils mettront quelqu'un avec lui. Ça, c'est clair et net. Oui, au moins pour chapeauter ou pour carrément... Tu sais que quand on parle de Porto, tu sais qu'il y a un mec, un ancien de Porto qui fait le job maintenant à Bordeaux. Vous savez ça? Mais c'est ça, on nous annonce un mercato avec lui et Ramé, les deux ensemble. Oui, et je peux te dire que je connaissais quelqu'un là qui est à Porto. Et il m'a dit qu'effectivement il y avait ce projet-là et que l'idée de Bordeaux, c'était vraiment ça, c'était de faire une Porto à la française. Mais donc ça veut dire beaucoup d'étrangers. Oui et non, mais c'est au moins européen, parce qu'après t'as le... Oui, mais c'est surtout d'être capable de mettre 5-10 millions quand il le faut, et après pour vendre à plus-value. C'est-à-dire que le projet de Bordeaux, ça sera probablement d'acheter des mecs 18, 19, 20 ans et qui fassent 3, 4 ans et qui flambent. Voilà. Ouais, Cyril, non, termine. Mais j'avais une dernière. Bah, juste vite fait, puisque bon, allez, quand même, on est la seule équipe française, à part la Ligue 2, à avoir repris la compétition officiellement. Juste, puisqu'on va enchaîner sur Bordeaux dans quelques instants, on va enchaîner sur Bordeaux-Ventspils. Je suppose que tu as dû, évidemment, comme tout le monde, voir le match aller. Alors, écoute, un petit prono pour. La seule chose que j'ai vue, c'est le but. Mais c'était bien. Moi aussi, c'est ce qu'il fallait voir. Bon, c'est ce qu'il fallait voir, apparemment. Enfin, c'est tout. C'était très bien. Mais on est d'accord que ça va tranquillement, sans forcer. Ça va quand même le faire pour le match retour. Rassure-nous un petit peu. Bah, je vais pas faire le mytho. J'ai pas vu une seconde du match. Comment tu veux que je te donne un avis? Non, c'était juste pour nous rassurer. Merci de nous faire flipper, c'est gentil. Je sais pas, mais oui, Bordeaux, non, devrait, oui, passer. Ça devrait passer. Bordeaux devrait passer. Voilà. En tout cas, s'il passait pas, ça serait un très très gros coup d'arrêt qui succéderait à un gros coup d'arrêt l'année dernière. Ah, mais ça serait pire que l'année d'avant, tu t'arrêterais au tour d'avant carrément. Et puis derrière, tu vires Boyette, tu reprends. Ça, ce qu'on n'a pas dit, par contre, c'est que la préparation de Bordeaux jusque-là, en termes de gestion, de recrutement et du mercato, n'a pas été bonne du tout, je pense qu'on peut le dire. C'est assez moyen. Ah, tiens, on a recruté personne. Premier, cette fois-ci, c'est la dernière. Est-ce qu'une non-qualification en Europa League pour les phases de poule d'Europa League peut mettre en péril la cession du club? Non, ça peut pas mettre en péril la cession du club, mais ça mettra en péril, tu perds un an. Ouais. Tu perds un an, c'est-à-dire que, et là tu sais qu'en gagnant quelques matchs, en tour préliminaire de Coupe d'Europe, tu vas jouer la Coupe d'Europe. Que l'année prochaine, t'es pas sûr d'être à nouveau à ce niveau-là. Donc de ce point de vue-là, ça serait un gros coup d'arrêt pour les Girondins, oui. Parce que l'année dernière, Vidéotron, sincèrement, c'est aussi la qualité de Bordeaux. Mais c'est-à-dire que ça a secoué un peu, mais c'est passé. Il y a d'autres endroits où ça serait passé de façon beaucoup plus virulente. Oui, clairement. Vidéotron et la saison qu'on fait, la série avec. Mais faut pas croire qu'à Bordeaux, c'est passé quand même comme une lettre à la poste. C'est passé, mais en douleur. Mais c'est passé discrètement hors caméra. C'est passé dans le feutré. Hors caméra, dans le feutré. Ouais. Merci beaucoup, Manu, d'avoir passé ce début d'émission avec nous. Et on va te souhaiter quand même de bonnes vacances, quand même, même si ça sera un petit peu boulot. Et te suivre sur Twitter. Tu continues quand même les vidéos, j'imagine, de temps en temps. Et mon prochain live, c'est demain soir à 19h30. Venez nombreux, gratuit pour les filles. On n'y manquera pas, on va faire de la pub, t'inquiète. C'est clair. Ça marche, à bientôt. Merci Manu. Ciao. On l'avait déjà eu, non? Oui, l'année dernière. Et toujours aussi sympa. Très sympa, ouais. D'avoir pris un petit peu. Alors, on le précise, hein, comme Clément Carpentier qu'on a eu la semaine dernière, qui lui aussi a pris un peu sur son temps de. Alors, bon, t'étais pas là, Cyril, mais qui a pris sur son temps de vacances pour nous répondre. Voilà, évidemment, merci à eux. Ils sont pas obligés, hein. Ils sont en vacances. Oui. Après tout, ils peuvent nous dire je suis en vacances, laissez-moi tranquille. C'est super cool, non, franchement. Donc, merci à eux. Messieurs, on va continuer. Alors, Adrien et Cyril, on vous a pas entendu encore sur. Vous étiez pas là vendredi, on vous a pas entendu sur votre avis sur la reprise du club avant qu'on passe à Malcolm, parce qu'on n'a toujours pas parlé du transfert de Malcolm, et qu'on passe à Ventspils. Votre avis, Adrien, tu veux commencer comme Pour toi, c'est une bonne chose, t'es content, t'es pas content? C'est difficile d'être content ou de ne pas être content, vu qu'on on est un peu dans le flou concernant exactement le projet. Après, mon impression, celle que j'ai, c'est que ça va être très intéressant quand on nous parle de développement de la marque Bordeaux. C'est très intéressant derrière. Et puis finalement, j'ai l'impression que c'est un mixte. Vu qu'on se posait la question, c'est un mix. Un mixte, c'est autre chose. Mais c'est un mix. Un mix, un mixte. Un vestiaire. Ah oui, mixte. Oui. Ouf. Il speak French. Voilà. I don't speak French. Voilà, c'est entre deux projets. En fait, il y a soit le projet Marseille où c'est beaucoup de, on prend des joueurs, voire même des trentenaires qu'on paye cher et pour briller tout de suite. Ça a marché, on va pas se mentir. Au début, on s'est tous foutu un petit peu de la tranche de Macourt et du prochain machin. Ils ont quand même fait finale d'Europa League. C'était la Ligue des Champions l'objectif. Ouais, et financièrement. Enfants, l'année prochaine, on a une finale d'Europa League. Je pense qu'on est tous à sauter au plafond. Même un quart. Ouais, même un quart déjà. On se qualifie pour l'Europa League. C'est champagne. Après, en demi, on passe au Paris à la con. Oui. Et en finale, on casse tout. Mais après, c'est vrai que c'était soit un mécène qui reprenait et investissait sur des grands joueurs tout de suite, soit l'idée de vendre des jeunes joueurs qu'on garde 2-3 ans plus cher comme Malcolm. Finalement, on va avoir un projet qui sera entre les deux, où on aura les moyens d'investir comme pas autant que Monaco, mais voilà, des moyens d'investir sur des jeunes. Et voilà, c'est un projet raisonnable. On nous promet pas la lune non plus, hein, même si on nous a parlé de retrouver la Ligue des Champions. Bon, en fait, tu sais pas parce qu'il a pas parlé d'abord ça. Oui, voilà, bon, c'est quand ça. Même, il a si, si, si, il a dit une phrase en disant il aime. Non, il y a une interview sur Sud-Ouest. Il a parlé rapidement. Il y a un dossier sur Sud-Ouest. Mais voilà, c'est un projet qui semble raisonnable. Et on se brûle pas les ailes en promettant la lune. Et donc maintenant, on va passer à l'inverse opposé, Cyril. Non, mais je vais te dire, moi, je suis plutôt optimiste. Ah bon? Alors, bah, de toute façon, même si ça allait dans le mur, fallait changer. Alors après, j'ai envie. Alors là, tu vois, là, pour le coup, je parle sur rien. C'est juste des impressions. Mais acheter le club 100 millions, pour moi, ça veut dire qu'ils ont du pognon. Tu parles de 80 millions d'euros pour développer le club à l'étranger, notamment en Chine, aux États-Unis. C'est quand même des projets qui me paraissent quand même assez viables. On parle de développer le club pour dans à terme dans 2, 3, 4 ans atteindre la Ligue des Champions, ça me paraît pas démesuré. Donc si en plus des 80 millions d'euros pour développer le marketing et la com en Chine et aux États-Unis, tu mets les sommes qu'il faut pour le transfert, sans partir dans du Monaco ou quoi que ce soit, si t'es intelligent, ça suffit. Donc ça semble cohérent comme ça à première. Voilà. Mais c'est surtout, moi ça me paraît ambitieux. C'est-à-dire que, alors ok, c'est du foot business, on va partir là pour le coup pour de l'international, tout ce qu'on aime pas forcément, mais à un moment donné, si tu aimes ton club et que tu veux que ton club il continue à gagner, t'es obligé de passer par là. Cyril, t'as raison de le dire. Si tu veux lutter par là, à un moment donné, voilà, je sais que certains n'aiment pas, mais c'est le football d'aujourd'hui, d'actuel. Oui. Si tu veux lutter, faut en passer par là. Donc moi perso, quand je suis assis au stade, j'attends de voir du spectacle et du talent. Oui, alors donc, t'enflamme pas, je dis attends un petit peu. Non mais excuse-moi, mais si Zaïdou il me fait des gestes, ça me suffit. Tu mets un coup franc déjà. Voilà, à un moment donné, moi ce que je veux voir, c'est de la classe et du talent. Celui qui a de la classe et du talent, il a 16 ans. Moi ça me change pas. Par contre, ce que je veux, c'est plus voir des mecs qui ratent des passes à 3 mètres. C'est pas dit que ce soit pour de suite, mais pourquoi pas, bientôt peut-être. Messieurs, on va passer. Oui, Marc, excuse-moi. Ah non, quand même, si tu permets qu'on en parle un petit peu plus. Parce comme nous, on en a beaucoup parlé vendredi. Ouais, mais il y a eu pas mal de choses nouvelles, notamment ces 100 millions. Moi, j'avais levé des doutes sur le fait que, attention, ils ont quoi pour investir. On en sait un petit peu plus, ce qui est quand même vachement plus agréable. En gros, le projet tient sur une chose, la marque Bordeaux. Ah, clairement. Si la marque Bordeaux se vend à l'étranger, le projet suivra. Si la marque Bordeaux ne se vend pas, en fait c'est. Mais ça se vendra, ne serait-ce sur le Pinard et sur le meilleur site touristique du monde. On aimerait, en tant que chauvin, on aimerait dire ça se vendra. Moi, ce que je te parle, c'est arriver à vendre. En fait, prenons des cas extrêmes. Marseille se vend, mais pas au mondial. Donc Marseille, pour se construire, va plus galérer qu'un Paris Saint-Germain qui se vend sur le mondial. Prendre d'autres ou clubs. Monaco se vend bien au mais pas autant. Pas autant, je vais te prendre des cas extrêmes, je dis pas que Bordeaux, c'est dire ça à ceux qui tuent les impôts. Je fais exprès de prendre ce cas-là, mais Manchester United est un club qui quasiment se suffit à lui-même par son merchandising dans les pays chinois. T'es déjà allé à Manchester? C'est calé. J'exagère, mais c'est moche. Okay. Le club survit, c'est plus de 200 millions d'euros qui rentrent tous les ans, et on est sur un très gros club en européen. Après, on peut parler de la gestion, on revenir là-dessus, mais c'est un club qui se suffit à lui-même et qui se suffit juste quasiment par l'existence sur le marché asiatique. En gros, est-ce que Bordeaux peut prendre une place sur le marché asiatique et sur le marché américain? J'ai pas la réponse. Sur le marché américain peut-être, le marché asiatique ça va être compliqué. Mais il y a pourtant, tellement de clubs, gros clubs européens. Mais c'est pour ça que la marque Bordeaux a son importance. Voilà, c'est tout. Mais c'est la marque David. Est-ce que cette marque-là peut réussir à briller à l'étranger? J'espère que oui. Et tout repose là-dessus. Après, tout repose là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément un mécène comme à Paris. À Paris, si jamais le merchandising ne marche pas, c'était pas très grave. Du moins au début. J'ai quand même une remarque à faire, puisque sur les Américains, je sais pas si vous vous souvenez, on avait reçu Nina Savelgic ou Nino Savelgic. Je fais un mix des deux, du coup, là, pour le ça coup, serait ça bien passe qu'on pas. Il nous avait parlé, mais justement à l'époque, c'était avant que ça se fasse, du partenariat avec les États-Unis. Que lui développait avec son école, On peut peut-être penser que cette marque Bordeaux, Et mine de rien, elle peut se développer. Tu crois que, alors, alors attention. Pour moi, c'est un lien. Ce qu'on va dire, voilà, je vais préciser quand même avant ma question. On va pas se mentir dessus. Je n'ai aucune information de quoi que ce soit. C'est juste une hypothèse comme ça que je vous propose. Est-ce que tu crois que le fait que Bordeaux soit racheté par ce fonds d'investissement, sans parler forcément que sa Belgique soit directement, mais est-ce qu'il peut y avoir, pourquoi pas, peut-être un rapprochement entre ce que fait Nino aux États-Unis avec une équipe qui s'appelle FCGB USA? Quand tu connais la hype. Quand tu connais la hype de Bordeaux aux États-Unis, parce que ok, on parle de la Chine, ok, les Chinois sont fous de Bordeaux et surtout du vin, mais la hype de Bordeaux, elle est surtout aux États-Unis. Tous les ans. En Chine, les Chinois, enfin les Chinois maintenant au niveau du vin, ils sont plus trop. Mais non, mais en fait, ce que je veux dire, ça reste quand même une marque. Oui. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas que le vin. Oui, c'est ça. Il y a le. C'est ça qu'il faut se dire. Mmh. C'est qu'aux États-Unis, la région de Bordeaux, elle est souvent, ben en 2016, c'est destination préférée des New-Yorkais. L'année dernière, c'était destination préférée des Angelinos. T'as souvent des articles de magazines américains. Bordeaux, c'est le vin, mais à part, il y a le bassin, il y a quand même des choses qui l'UNESCO ville sponsorisée, marqué dans UNESCO, patrimoine de l'UNESCO. Voilà, donc c'est quand même des choses qui me font penser, qui me font penser que, à mon avis, la marque Bordeaux se portera mieux aux États-Unis. Qu'en Chine, mais c'est mon avis. Ah, moi je suis complètement, mais alors je suis à 200% d'accord avec ça. Quelqu'un veut rajouter quelque chose et on passe au trans, on passe pour, à Malcolm. Pour les filles, fait Nino aux États-Unis, il faut savoir que ça marche très bien. Ah oui. Mais il y a une équipe, donc je disais tout à l'heure, alors c'est pas FCGB Girls, c'est Gironda USA. Gironda USA, voilà. Donc c'est des, faut savoir, pour Washington. Ah, voilà, exactement. Alors, bah, si vous le savez pas, parce que on peut pas être au courant de tout, faut savoir quand même qu'aux États-Unis, donc, il y a une école de, enfin, c'est un, je crois qu'il a pas créé une école, il y a un centre de formation. C'est un centre de formation. Les U15, U17, U19. Mais des filles américaines qui jouent avec le maillot du FCGB, qui portent les couleurs du FCGB tous les jours et tous les week-ends sur les terrains. Ils ont fait un stage, cet été à Bordeaux. Et elles ont des résultats. Et c'est même, ça a même peut-être se développer avec un plus grand nombre d'équipes, donc, Et pourquoi pas peut-être à l'avenir monter un, là on parle de section féminine, mais peut-être pourquoi pas développer, alors sans parler de, rassurez-vous, il y aura jamais une franchise Girondins de Bordeaux contre les Los Angeles Galaxy. Ou alors sauf vraiment coup de tonnerre. On est pété de thunes, on fait tout, on casse tout. Même si c'est pas du tout la même sphère, nous ça sera plus bas. Manchester City a son club satellite aux États-Unis pour repérer des jeunes. Bah c'est toujours pareil, un pays où il y a 600 millions d'habitants. Tous les clubs cherchent ça. Regardez Paris avec leur sponsor, le Facebook chinois. Oui. C'est ça. Non, mais aujourd'hui, c'est ça. Enfin bref. Nous, ce qu'il va nous falloir, c'est un sponsor qui soit, à mon avis, et ça tombe bien parce que les sponsors clubs s'arrêtent à la fin de l'année. Le sponsor Puma, Max, ça, ouais, le sponsor Puma, ça s'arrête à la fin de l'année. Bah, il y en a un sur Bayo Europa League, là. Oui, non, mais c'est ça. Ah, les trois sponsors, enfin, entre guillemets, qui sont là pour cacher la misère parce que t'as pas de sponsor principal. Bifo Régent et Winamax. T'as pas de sponsor principal, donc t'as fait trois petits sponsors. Ces trois-là s'arrêtent, il me semble, en 2019. Puma s'arrête en 2019. Donc, le gros travail des Américains, ça va être de trouver des sponsors et des entreprises qui croient. Avec un peu de chance, c'est Nike, hein, Nike, c'est Paris. Mais, aujourd'hui, on entend parler de Under Armour, qui cherche, c'est une marque américaine. Connu, ouais, qui est connue surtout qui dans le rugby. Qui sponsor Curry. C'est Stephen Curry. Ouais, okay. Qui est connu surtout dans le rugby. Mais qui veut s'implanter en France. Et c'est une marque qui pourrait être hyper intéressante. C'est une idée. Ça peut être New Balance. Ça peut être. Non, mais ça peut. T'as raison. Maintenant, avec le développement de plus en plus, avant, il y a 20 ans, rappelle-toi, c'était qui? T'avais Nike, Adidas. Oui, mais Nike, et les autres, Nike, c'est Jordan qui l'a lancé. Voilà. Et après, les autres, ils avaient les miettes. Donc, voilà. Un peu le sport, machin. Bref. Eh ben, écoute, on va voir. De toute façon, là, à mon avis, je pense que petit à petit, chaque semaine, jour après jour, on va en apprendre un petit peu plus. En attendant, faut quand même pas l'oublier, les enfants, l'officialisation, parce que pour l'instant, voilà, c'est des négociations exclusives, mais rien n'est officiellement. Je vous rappelle que Saint-Etienne, l'année dernière, était en négociation exclusive aussi avec des Américains et qu'au final, ça s'était pas fait. Hein. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri. On rien ne dit que ça va pas faire comme Bordeaux et que ça va reprendre entre 2 ou 3 mois. Hein. Également. Ça peut être juste reporté, mais enfin voilà, c'est pas parce qu'on annonce que c'est des négociations exclusives que forcément c'est sûr à 100%. Depuis le Zizou à 90%, on se méfie de tout maintenant. Messieurs, donc, vendredi, c'était un petit peu la folie dans cette émission, on a eu plein de gens, plein d'appels. On a fait une spéciale reprise en fait vendredi, on voulait parler de Malcolm et tout ça, mais on n'a pas pu. Donc, Malcolm, le départ de Malcolm, on s'était quitté vendredi soir, nous, hein, quand on a coupé les micros à 9h30, Malcolm, il est dans l'avion, il part à la Roma, non, c'était lundi. Il part à la Roma, tout va bien. En route, on rentre chez nous. Et là, Que n'apprenons pas. Oula, ça va être compliqué à dire ça. Qu'apprenons-nous? Que Malcolm, hop, on lui dit attends. Ils ont appelé le pilote de l'avion, il dit oh Roger, décolle pas. Le fais pas partir de suite. On a le Barça qui nous a appelé. Bref, Malcolm, finalement, il est pas parti à la Roma. Il est parti au Barça pour une somme avoisinant les 41 millions plus 41 2 bonus, plus 2. Voilà, bon, il y a 43, grosso merdo. Ouais, c'est quoi les bonus en question? Tu as des détails ou pas? Je sais non, pas. Personne sait. Bref, donc, vu qu'on en a pas du tout parlé, on va quand même voir votre avis. Est-ce que vous êtes content? Pas content? Est-ce que, voilà. Avant ça, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, j'ai préparé un petit truc rapide. Alors, j'espère que ça va marcher. J'ai préparé un petit son rapido qui résume un petit peu toute cette histoire, un petit peu tout cet imbroglio, un petit peu voilà, le vrai faux départ de Malcolm. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Malcolm, frappe lointaine, Malcolm ! C'est un phénomène ! C'est un géant ! Un but fantastique ! Avec Camano, Malcolm qui prend sa chance ! Oh, oh, l'égalisation du Brésilien Malcolm ! Et voilà ! On a les droits. Ouh là là là là là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond le gars. Dans le cul, il est dans le cul. Voilà. Bah, je trouve que on l'a découvert en même temps. Alors, honnêtement, je leur avais pas fait écouter. Voilà, juste le début, mais franchement très fort. Oui, on avait écouté juste le début lundi, mais il y avait eu des problèmes, on n'avait pas pu. Bref. Ouais, je trouve que ça résume assez bien la situation. Voilà. Donc Monchi, c'est Lulu. Donc. Je trouve que ça résume assez bien le truc. La Roma, elle est pauvre. Franchement, honnêtement, on va pas se mentir. On va pas se mentir, on pourra plus jamais acheter à la Roma. Voilà, est-ce qu'on allait un jour acheter à la Roma? Si tu veux recruter ou vendre à la Roma, t'oublies sur les 20 prochaines années. Mais bon, ils ont tenté de voir s'ils pouvaient pas porter plainte, machin. Bon, honnêtement, tant qu'il y a rien de signé sur un bout de papier, tu l'as, hein, pour dire comme dit Jacques Villeray. Voilà, donc tu la balayette. On va pas se mentir, qu'ils aient les boules. Normal. Après, en même temps, j'ai envie de dire. Après, la version officielle, elle est bien gentille pour Malcolm. Parce qu'en réalité, c'est lui qui voulait plutôt aller au Barça. Quand il a entendu Barcelone, il a eu une gaule terrible et il s'est dit. En même temps, Cyril, on va pas se mentir. Je pense que. Non, mais pourquoi à sa place alors, quand t'es en Barcelone? Moi, je peux te donner deux, trois petits trucs que j'ai. C'est que ce que je sais, c'est que quand Monchi a su que c'était Barcelone, Bordeaux est allé le voir pour lui demander s'il voulait au moins égaliser l'offre et qu'offre égale, c'était la Roma. Monchi, de salaire ou de transfert? Non, mais en termes de transfert. Bordeaux voulait 40 millions d'euros. Monchi a pris une dizaine de jours pour faire baisser les prix. Il était arrivé à descendre à 32 plus 4. C'était l'accord qui était verbal. Barcelone avait 41 plus 2. Ils arrivent. Bordeaux va voir Monchi. Il lui dit, excuse-nous, déjà c'est 41 plus 2. Malcolm veut aller là-bas. Mais nous, vu qu'on a donné l'accord, à même offre. Voilà, mais Monchi, quand il a su que c'était Barcelone, il savait très bien que derrière, s'il égalisait l'offre, Barcelone allait encore augmenter. Il a dit stop, parce qu'il pouvait pas lutter. Et à un moment donné, tu parles d'un gamin qui a 21 ans, tu lui parles de Barcelone, forcément. Ça, sachant aussi ce que je sais. Barcelone, Messi. Lui-même, et là, pour le coup, je crois que c'est pas de la com. Quand Malcolm dit que Barcelone c'est le club qui faisait rêver, pense vraiment que c'est vrai. Non mais pour ça Cyril, moi j'en suis sûr parce que je connais des gens aussi qui l'ont côtoyé et tout, et depuis toujours il a toujours été fan du Barça, et il a aussi grandi en termes de joueur avec Neymar. Il est gaucher, Messi est gaucher à droite, bien sûr. Mais il y a aussi Neymar c'est quand même genre l'idole au Brésil. Oui, et vu qu'il a grandi avec, même si Neymar a pas beaucoup d'écart non plus. Moi j'ai quand même une question les enfants. C'est un très bon choix. Enfin, il a fait ce choix-là, Malcolm, mais moi, perso, je suis un peu quand même dubitatif. Malcolm, je trouve que dans sa progression, je trouve qu'il saute une étape. Est-ce qu'il aurait pas été mieux à la Roma ou à Liverpool? C'est un club moyen. Tu veux que je te dise la pensée de Malcolm? C'est qu'il se dit, dans deux ans, il me dit que je jouerai la Roma, Barcelone qui voudra m'acheter. Oui. Oui, tout simplement. Par contre, il pourra avoir par la contre, Roma. Maintenant, je sais très bien que Barcelone, je l'ai maintenant. Mais un joueur qui vient de partir de Barcelone et qui a eu ce même raisonnement, on l'avait moqué, Lucas Digne, qui est parti de Barcelone maintenant, il a dit j'ai réalisé mon rêve. Dembélé et Lucas Digne est parti. Lucas Digne est parti à Everton. Il a dit j'ai réalisé mon rêve maintenant. Je peux aller jouer à Everton, voilà, tranquille. Là, Malcolm, ça rien ne dit qu'il va pas réussir. Bon, il a fait un premier match amical qui apparemment était assez Correct, qu'il a égalisé même. Mais il a mis le penalty décisif à la fin de la série de penalty. Mais voilà, il va être en concurrence avec Dembélé, Malcolm, comme disait Poyette, peut jouer à plusieurs postes, voilà. Et quand t'apprends avec des joueurs comme Coutinho, Messi et tout ça. L'avantage, c'est qu'il est sud-américain. On va pas se le cacher. Ça va être un gros avantage pour lui. Coutinho, Messi, s'il rentre dans cette bande-là, s'il arrive à se faire accepter par Messi, par Coutinho, t'as tout gagné. Si, s'il reste sérieux et tout ça, ça peut le faire, hein. Donc, Barcelone, c'est presque le club idéal pour lui. Barcelone, il a le temps de grandir là-bas. Il faut pas qu'il se précipite non plus en disant s'il joue pas un an. Il a le temps de grandir, Adrien. Attention, Barcelone, c'est pas Bordeaux. Barcelone, t'as pas le temps de grandir. On voit Dembélé, il est presque prêt. Déjà, ils sont presque prêts. Il faut être opé de suite. 40 millions pour Barcelone, c'est rien. Et il a été acheté 150 millions, Dembélé. Voilà. La différence. 120 plus 40, je crois. Ouais, voilà. Donc, Malcolm n'a pas de pression et pour lui, c'est l'idéal. Et même, beaucoup vont dire ça manque de classe par Bordeaux ou Malcolm, mais Malcolm, t'as Barcelone qui vient de voir, mais à quel moment tu dis bon, mais je vais hésiter, je vais aller à la Roma? Non, rien n'est signé, tu fais le forcing pour y aller. C'est peut-être un manque de classe par Barcelone, ça, de s'y prendre aussi tard. Mais c'est le jeu du mercato, c'est arrivé plein de fois. Excuse-moi, juste, il rate Willian. Ils vont sur Barcelone, sur Malcolm deuxième piste. Donc excuse-moi, il était pas acheté. Là où c'est la faute à la Roma, j'ai envie de te dire, c'est que Monchi, il a pris 10 jours avant de trouver un accord. C'est ça. Bordeaux, à la fin, je suis sûr que si on lui avait dit là, Barcelone, si c'était pas Barcelone, tu dois mettre 40 millions pour Malcolm, il les aurait mis. Le truc, c'est qu'il a voulu un maximum tirer les prix vers le bas. Du coup, t'as perdu du temps et à la fin, c'est ce temps-là qui te manque. Mais c'est autant la faute à Monchi qu'à Bordeaux qu'à Barcelone. Alors ok, c'est son rôle de négocier les prix, mais plus tu négocies les prix, plus t'as des risques que des concurrents rentrent dans le dossier. Mais si la version Monchi de dire que c'est Martin qui a demandé le communiqué pour dire qu'il y avait un accord de principe, c'est bien joué, c'est salaud, mais c'est bien joué de faire ça pour que Barcelone s'active derrière. Voilà. Non mais moi j'ai fini. Si on parle de Ventspils, enfin si on n'a rien à dire. Là pour le moment on est sur le mercato donc justement c'était le prochain truc, je savais pas trop comment on allait faire. Est-ce qu'on inverse pas hop changement, tout peut arriver dans cette émission. Est-ce qu'on inverse pas l'avant-match, l'après-match pour revenir après sur le mercato, ou est-ce qu'on fait maintenant le jeu de Enzo? On va le faire en direct. Non mais fais 20 piles, c'est parce que déjà parler de ceux qui Moi je trouve ça plus logique là qu'on parle mercato et qu'on fasse le jeu. Nous on le présentera une autre fois parce que je pense qu'on n'aura pas forcément le temps. Mais je pense monsieur. Et 20 piles les enfants, c'est un quart d'heure. C'est quart d'heure si on est large. Donc on a le temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part sur le mercato? Ouais, vas-y. Allez, je veux 4 oui validés. Oui. Donc le mercato. Les enfants, déjà jingle mercato, si je le retrouve. D'accord. Tu viens de nous mettre à Evalcom. Ouais, mais c'était pas vraiment le. Oui, c'est pas l'officiel. C'était pas le complet. C'est le jingle extérieur. Le complet, normalement, si je dis pas de bêtises et que je me suis pas trompé de bouton, c'est celui-là. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Voilà. Drogba, Thuram. Non, mais je sais, Makelele, Beckenbauer, Maradona. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Non, on va pas parler de tennis. On va parler mercato. Donc, on va, avant de parler du petit jeu d'Enzo, on va déjà revenir sur les 3-4 rumeurs qui ont alimenté, on va dire, notre week-end un petit peu large depuis vendredi. Il y en a deux qui sont mortes. Donc déjà, il y en a deux, Bradaric et alors l'attaquant... je retiens le nom, je vais bien prononcer. Steven Bergwijn. Voilà, lui a décidé de prolonger au PSV et Bradaric passait la visite médicale cet après-midi à Cagliari. Donc ça, déjà... Comme disait le petit jingle tout à l'heure, on va pas parler de tennis. Moi je pensais à Donc ça déjà c'est mort. Il nous reste qui? Pablo apparemment, il est parti pour rester, donc déjà le défenseur central tu l'oublies. Alors que Krasnodar, il est pas forcément parti pour rester, il est juste Krasnodar encore augmenté l'offre. Il est l'offre. Pas parti pour partir en Russie. D'accord, donc il peut, sous-entendu, il peut aller ailleurs. Exactement. Alors, on parle de 12 millions quand même de Krasnodar. On va continuer. Parce qu'on a un auditeur qui voudrait parler avec ça, avec nous. C'est Julien. Donc, Salut Julien. Salut. Donc Julien, ou pour ceux qui connaissent sur Twitter, c'est Girondin50570, si je me trompe pas. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc qui voulait nous parler un peu mercato. Oula, ça veut dire que t'habites où ça, 50570? Dans le 50, dans la Manche. Ouais, j'allais dire c'est où 50570. C'est Rémy sur Lozon, c'est à côté de Saint-Lô. C'est pour ça que. La Manche, mon gars. J'ai sorti la Manche en premier. Voilà, exactement. Il y a que toi ou Rico ou Clément qui pouvaient trouver un truc pareil. Non, c'est normal. On a rodé partout en France. Ça c'était à l'école quand t'avais, tu sais, il y a 30 ans, 40 ans. Mais non, mais c'est parce qu'on rêve un match Bordeaux Saint-Lô à côté Coupe de France. Saint-Lô. Je croyais que Saint-Lô c'était en Bretagne. Hein. Ouais, c'était. Ah non. Ah non, je confonds avec Saint-Malo, pardon. Donc ouais, voilà, donc Julien il veut nous parler un peu mercato et après dans la foulée on va pouvoir présenter son mercato GA et Ah ben bah, tu nous expliqueras le petit voilà ce que voilà, t'as ouais. Juste deux secondes, je prends juste le temps parce qu'il y a les MBFC qui ont rejoint Twitter et qui sont là ce soir, donc dédicace aux MBFC. Eh ben bah, salut à vous les amis, Twitter. Oui, tout à fait, Twitter. Alors je connais rien. Marine et Blanc Franche-Comté. Marine et Blanc Franche-Comté. Ouais, voilà, on les a partagés sur nos réseaux sociaux, on a retweet, mais après vous n'hésitez pas à y aller. Alors mercato. On a dit Bradaric c'est mort, Bergwijn le Hollandais. C'est mort aussi. Pablo parti pour rester, mais peut-être pas. Mais pas à Krasnodar. Ce que je pense, c'est surtout. C'est qu'il y a surtout, à mon avis, une tentative de négociation à la hausse du salaire qui a plombé parce que le prix il est trop pour Bordeaux. Sabali, on nous dit qu'il va passer la visite médicale à Naples, la pré-visite médicale. Mais au final, Naples, ils nous disent ah non, c'est un lieu secret. Mais Bordeaux dit si, vous inquiétez pas, il va la passer la visite médicale. Bref, c'est un imbroglio pour l'instant. Sabali a refusé apparemment une autre grosse offre. Oula, ouf, c'est grosse offre. Voilà. Je pense que Sabali, on n'a pas terminé. C'est possible. Je pense qu'on ne sait pas tout sur Sabali. Oui, voilà. Qu'il y ait plusieurs clubs. Il y a certains gros clubs qui vendent leur latéral droit, d'ailleurs, en ce moment. Donc, Sachant que le mercato, comme a été annoncé par Nicolas Taverneau, est géré par M6, hein, toujours, puisque le club appartient encore officiellement à M6 et avec un petit droit de regard aussi à GACP. Julien, toi, le mercato. Bon, alors évidemment, je ne vais pas demander ton avis. Est-ce que tu es content ou pas, puisqu'il n'y a personne qui est arrivé et limite personne qui est parti. Mais comment tu. Voilà, est-ce que tu paniques? Est-ce que tu dis oh là là, mon Dieu, vite? Ou est-ce qu'aux yeux de ce que tu vois autour, on voit que Lyon, ça s'affole pas trop, Marseille, ça s'affole pas trop, ils ont pris un défenseur de National 2. Il y a peut-être pas non plus raison de paniquer, comme je vois peut-être trop souvent sur Facebook les gens qui crient oh là là, mon Dieu, on n'a pas. Oui, bah. Non, faut pas. Il y a encore un mois de mercato, on est le 30 juillet. Voilà ce que je voulais dire, il y a encore un mois pour le mercato. Bah, c'est vrai que bah déjà on peut voir une chose déjà, c'est que les clubs ont beaucoup attendu, on va dire la fin de la Coupe du Monde pour s'attaquer à tout ce qui est recrue, à part pour les joueurs qui ne sont pas on va dire qui ne participaient pas à cette Coupe du Monde. Donc c'est vrai que nous Bordelais on va dire qu'on a paniqué un petit peu plus parce que notre premier match officiel déjà était jeudi dernier. Donc forcément, comme notre premier match officiel était plutôt que les autres, on était un petit peu obligé de s'attaquer au mercato avant les autres. Après, le fait qu'on arrive à recruter des joueurs dans le dernier mois, c'est pas non plus. On n'est pas parti loin dans la saison, on n'a pas encore fait le premier match de Ligue 1. Quoi. C'est surtout la Ligue 1 qu'il faut voir en premier, de toute façon. Hein. Excuse-moi, c'est Julien, c'est ça ton prénom? Oui, Julien, oui. Moi, j'ai surtout. Le gros point positif, c'est surtout qu'on sache déjà qu'il y a le rachat. On va dire que c'était la priorité, on va dire, notre mercato. C'était déjà clarifier cette situation-là. Parce qu'imagine, des Ricains rachètent fin août, ça voulait dire qu'on allait avoir un mercato nul. Là, il y a quand même de l'espoir de travailler. On peut penser qu'il y a quand même des pistes qui sont avancées. On entend parler, on a entendu parler de Bradéric et Bergwijn. C'est mort, mais récemment on a entendu parler de Reyes de la part de ces Girondins Info qui avait lancé ça. Salibur, on verra. Salibur, Sliti, Moi ça sera un super. Mbabu pour remplacer Sabali. Alors lui, je sais pas d'où c'est un international suisse. Ils ont parlé aussi d'Nkunku sur. Aujourd'hui. Oh non. Il y a eu comment il s'appelle Ademi, international macédonien, un milieu défensif. Pedro, le Brésilien qui joue. qui est titulaire à Fluminense. Lyon est dessus, et aussi une info, bon après je sais pas si elle est vraiment prouvée et réaliste. Vas-y balance. Mais il parle quand même aussi de, enfin il y a une info qui sort aujourd'hui quand même de Pelnard qui irait vers l'Orient. Ouais, vers l'Orient. Donc ça ce serait surtout, ce serait quand même quelque chose qui je pense réjouirait depuis vendredi. Depuis vendredi que GACP est officiellement là, il y a quand même une multitude d'infos et comme le disait tout à l'heure Manu Longeant, c'était soit de l'international derrière, soit des prospects devant. Oui, donc, Marco, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il fait l'italien, il parle avec les mains, mais il s'aperçoit pas, il tape sur la table, le truc il fait que bouger depuis 10 minutes, on se calme, on bah se tiens, calme. Bah tiens, tant que t'as le micro, les mains en l'air. On t'a pas entendu encore sur le mercato, t'en auras, moins que t'as rien à dire, mais. Ben non, oh, non. Moi non, en effet, j'ai pas grand chose à dire. Il y a des bruits qui trament que Poyet est pas aussi innocent qu'il veut bien le faire croire dans ses déclarations. Info. Moi non, c'est des bruits donc info. C'est pas vraiment des infos, mais voilà. Ensuite, ça commence à être un petit peu gonflant les sorties médiatiques, le test de ouais, je vais mettre 100 carrés en attaque comme ça, je montrerai à mes dirigeants. Arrête, tu te flingues un groupe. Donc qu'on passe les tours de Coupe d'Europe parce que je pense que c'est aussi déterminant pour nous, pour notre recrutement. Donc on ne tarde pas trop. Cette année est très importante. Il faut absolument faire au moins un parcours honorable en Europa League et être positionné dans les 6-5 premiers de les championnats pour qu'on ne perde pas un an de retard. On a assez souffert, j'ai envie de dire, pour avoir le droit un petit peu de rêver. C'est surtout que, en fait, avec le projet qu'il y a derrière, il ne faut pas qu'on fasse une saison où nos joueurs ne soient pas mis en valeur. Voilà. Il faut faire une saison. Oui, mais ça, c'est marrant, ça se décide pas à l'avance, ça. Je pense que tous les clubs de Ligue 1, ils veulent faire une saison où ils vont leur mettre en avant. Ça ne se décide pas à l'avance, mais si tu veux mettre en valeur des joueurs offensifs, si tu as un bon bloc, un bon groupe déjà, un bon milieu solide et une bonne défense solide, ça sera plus facile pour, ça sera plus facile d'avoir des joueurs offensifs qui se mettent en avant. Et ça, on a déjà une base par rapport à l'an dernier. C'est-à-dire que derrière. Voilà, moi, c'est pour ça aussi où je panique. Je me dis quand même, alors il y a des joueurs, on a appris que donc Sabali était encore touché, il y a Mendy qui, alors on l'oublie, Mendy, le petit Mendy revient, oui. Mais qui a repris un petit peu pas l'entraînement mais la réathlétisation, la prépa, oui. La prépa, donc ce garçon, on l'avait souligné quand il était blessé, le pauvre il se blesse au plus mauvais moment parce qu'il était sur une série de 4 buts je crois, en 5 matchs, c'est surtout 5 buts. L'attaquant qui nous manque, c'est le profil qu'on a donc, pas. Donc ce garçon sera de retour aussi. Alors évidemment ça suffit pas devant, il faut un mec un peu plus tueur, il faut peut-être un gars pointure un petit peu plus au-dessus que Mendy ou Laborde, mais il y a pas non plus, voilà, il y a une base. Ta défense pour l'instant elle a pas bougé, elle est là. Ta défense elle est là. Il y a peut-être le poste derrière gauche où il faut renforcer un peu, mais bon. On se contentera de bouger. Le souci c'est que t'as déjà les joueurs, quoi. Tu peux. T'as perdu Meïté au milieu. Il faut peut-être le remplacer. Ouais, mais t'as Tchouaméni qui revient, t'as des joueurs. Mais Tchouaméni, il a 19 ans, les mecs. Vous allez pas me dire qu'à 19 ans, il va faire 38 matchs de Ligue 1, plus peut-être la Coupe d'Europe, plus. Bien sûr. Après, moi, je sais pas ce que t'en penses. Enfin, ce que t'en penses, Julien, est-ce que vous en pensez autour de la table. Mais moi, où ça m'inquiète vraiment, c'est dans le secteur offensif. Quand tu regardes, on a sur les côtés, on a Kamano. Malcolm est pas remplacé. Oui, mais on a Kamano et Ibrahim Diarra, de poste. Ça fait peur. Hein. Après, on a qui d'autre? On a Zaidou qui met sur le côté, alors que Zaidou, de base, c'est un joueur qui joue plutôt au milieu. Et après, sur les côtés. Bah, t'as Laborde, tu peux le mettre à gauche. Oui, voilà, t'as Laborde et Depréville qui peuvent dépanner. Mais sinon, on a deux joueurs qui sont sur les côtés. C'est quand même, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Après, devant encore, bon, au pire, on a trois attaquants, ça peut encore le faire. Mais sachant qu'on joue l'Europe, avoir deux ailiers de métier. Mais ça va être compliqué, on a personne derrière. Mais disons que on sait que normalement dans ce secteur-là on risque de recruter. Mais pour les objectifs jusqu'à début septembre, c'est avec ça ça peut passer. Oui voilà, j'allais dire. Parce que tout le monde s'offusquait en disant oui, 100 carrés en 9. Oui, c'est. Attention, Adrien. Les trois tours. Je m'offusque pas du fait que Adrien, ça va pas passer. Je m'offusque dans la gestion de groupe, c'est totalement débile. Attention, Adrien. Les trois tours que tu vas avoir là, ça sera pas Ventspils. Non, mais même le deuxième. Si c'est June Gardens au prochain tour, June Gardens pour moi, c'est du même niveau que Vidéoton. Oui, mais là, c'est pas sûr que Tchouaméni ou Youssouf ils soient aussi en canne. Oui, mais le match Vidéoton, c'est pas un match où t'as été battu 3-0. Oui, mais face à des mecs qui te rentrent dans la tronche, on n'a pas répondu. Mais Et ça sera ça, c'est des mecs qui vont te rentrer dans la tronche. L'an dernier, la difficulté, c'était on avait une équipe qui était pas solide. Là, on a les bases solides du milieu et de la défense. Voilà. Julien. Oui. Je sais pas, t'as quelque chose à dire. Voilà, sinon on passe au jeu de Enzo. Après, moi, honnêtement, j'en parlais avec des amis tout à l'heure, moi, honnêtement, question Mercato, j'ai envie de dire, on va rentrer dans une nouvelle ère avec, avec les Américains qui viennent de racheter. Donc, faut vraiment lancer le changement dès le début, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'on avait ce qu'il fallait en attaque, entre guillemets, on avait trois attaquants. Bon, après, les attaquants qu'on a, Nicolas Depréville, moi, j'adore ce joueur-là, hein, j'adorais avant qu'il arrive à Bordeaux. Donc c'est plus un joueur de côté qu'un joueur d'axe. Voilà, plus même un second attaquant, quoi, je veux dire, c'est pas un œuf, vraiment une pointe. Quoi, ou un point de fixation avec un mec qui tourne autour. Voilà, tout à fait. Je pensais honnêtement, comment la saison dernière, avant sa blessure, je pense qu'on aurait eu une attaque avec Mendy et puis Depréville, voilà, avec Mendy qui a quand même un physique vachement impressionnant, faut dire qu'il est quand il est sur un terrain, voilà, c'est un gars qui prend des ballons de la tête, qui est capable d'en imposer dans les airs. Ah, il est 9h. Oui, j'entendais pas mieux. Ah, c'est l'inconvénient de la campagne. Parfait. Et donc oui, c'est vrai que non, on aurait eu Depréville et puis Mendy, parce que voilà, c'est pareil, Depréville, on l'a acheté quand? On l'a acheté le 31 août 2017. Il y a un an. Voilà, il est arrivé vraiment en limite, en catastrophe. Il avait fait sa prépa avec les joueurs de Lille, il avait fait tous les matchs amicaux avec eux. Il arrive, ça fait un petit peu comme Bernard Denis il y a un an et demi, quand il arrive en tant que Malcolm. Il est arrivé, trois jours après, il était sur le terrain, titulaire et tout. On peut pas vraiment se fier au niveau d'un joueur qui a pas fait une préparation complète avec une équipe pour moi. Après, je suis pas sûr que le joueur, déjà, il est pas trop en confiance, il connaît pas ses coéquipiers, il arrive pas dans un bon contexte. Je pense que si on avait eu une attaque un petit peu plus avec des recrues, on va dire, qui avait été faite un petit peu plus tôt avec une vraie prépa, une vraie saison passée ensemble et pas seulement Bressoit. Et pourtant Bressoit, je trouve qu'il s'en est pas mal tiré pour seulement 4 mois passés au club. Voilà, tout à fait, oui. Bah moi honnêtement, Mendy, j'ai été très très surpris parce que je m'attendais, quand j'ai vu le prix qu'ils ont dépensé, on va dire, pour l'acheter, c'est-à-dire 500 000 euros pour aller chercher à Guingamp, je me suis dit, bon, après tout, il a que 21 ans, on peut éventuellement fonder de l'espoir, et pour moi c'est un bon espoir du club, on va dire, parce qu'il a de l'avenir devant lui, et donc je pense que c'est un joueur qu'il faut garder, qui va revenir, on va dire, à son meilleur niveau, à condition que sa blessure, et malheureusement on le voit, alors je dis pas que ça va être le cas, mais on voit quand même souvent ce genre de truc où un joueur jeune parce que c'est grave, hein, quand même, ce qu'il a eu, c'est il s'est fait les ligaments, oui, il est croisé, les ligaments, t'en reviens pas forcément dans le même état que... Pas directement. Comme non, t'étais non, avant. Toujours, donc, faut comme... toujours au moins un an et demi pour se remettre. Hein, et façon. Puis comment lui va revenir, voilà, on sait pas trop. Mais c'est vrai que c'était plutôt prometteur ce qu'on voyait. C'était pas tout à fait, la folie. Tout à fait, il était combatif. Puis mais c'est pareil, prometteur. Il marque 4 buts la saison dernière. Sachant que son dernier match, c'est contre Saint-Etienne, puisqu'il met un doublé et il se fait les croiser dans la foulée dans le même match. C'est ça. Il avait fait un match vraiment exceptionnel, pour pas dire autre chose, parce qu'il avait vraiment été très fort. Il avait fait que des petits bouts de match jusque là, il marque le premier but de la saison contre Angers. Ensuite, il met un but vraiment magnifique contre Saint-Etienne. Il met deux buts contre Saint-Etienne. J'ai un trou de mémoire, c'est sur son quatrième but. C'est contre Bordeaux, Guingamp. Stade, oui. Exactement. Oui, contre Guingamp, exactement. C'est pareil, on a vu qu'il commence à avoir des automatismes avec Malcolm. À ce moment-là, bon, c'est vrai que je pense que ça aurait pu être un très très bon attaquant l'année dernière s'il n'avait pas eu cette grosse blessure, malheureusement, quoi. Alors, Julien, si tu es au téléphone avec nous ce soir, c'est parce que tu as participé au petit jeu qu'Enzo vous a proposé sur Twitter et Facebook, c'est ça, Enzo? C'est ça. Alors, rappelle-nous déjà, Enzo, en une minute, je pense que c'est jouable, rapidement, le concept, et puis après, Julien, tu vas nous donner ton mercato, et puis Adrien et Cyril donneront dans l'heure, puis on en débattra rapidement autour. Et toi aussi. Et on finira par Bordeaux-Ventspils. On va dire 15 minutes pour arriver jusqu'à 20. Ouais. Allez. Alors, pour revenir sur le jeu, s'intitule Mercato GA. Alors, en fait, c'est aussi pour animer aussi l'été, parce que bon, niveau mercato, c'était pas, on va dire, le top au niveau des Girondins. Alors, le principe était simple. On avait mis quelques contraintes, un budget de 10 millions d'euros, se référencer à tous les prix qu'il y avait sur Transfermarkt et essayer aussi d'avoir un effectif de maximum 25 professionnels, tout en essayant de rester réaliste. On a mis ça sur les réseaux sociaux. Alors le but, il est simple, en fait, c'est d'essayer de créer l'équipe de nos, enfin pas de nos rêves, mais l'équipe la plus réaliste et qui nous ferait le plus rêver aux Girondins, grâce à un mercato, des ventes, des achats. On laissait assez libre sur ça. Alors à noter aussi, je tiens à dire pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui continuent à nous envoyer leur mercato, désolé, mais on avait mis la date limite à hier. On a quand même mis presque 10 jours de latence pour que les gens puissent les envoyer. Donc maintenant c'est un peu compliqué. Après vous pouvez toujours nous les mettre sur les réseaux sociaux, nous identifier, on partagera sans problème. Et donc voilà, le mercato c'était assez simple. On a retenu celui de Julien, qui était quand même plutôt intéressant. Et donc je te laisse. Alors, ce qui veut pas dire que les autres c'était pas intéressant. Non, mais bien sûr. Bon, bien fallait faire le. Après voilà. Oui, après on en a retenu aussi plein. Il y en a beaucoup aussi qui pouvaient pas appeler et autres. Et Julien directement il s'est positionné, donc voilà. Alors donc, Julien, on t'écoute. Avec tes 10 millions, t'as fait quoi? Et en précisant aussi que Julien, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on le partage en direct là le mercato pour que vous puissiez aussi suivre d'un coup. Dis-nous ce que t'as fait avec 10 millions. Alors avec 10 millions, j'ai commencé déjà par des ventes, hein, parce que j'ai inclus le transfert de Malcolm à ce moment-là, moi il n'était pas encore fait. Donc j'ai inclus le transfert de Malcolm dedans, donc j'ai vendu Malcolm, enfin j'ai vendu, attention c'est une façon de parler. Tu l'as vendu combien? Je l'ai mis au prix de transfert market, donc c'est-à-dire 45. Ah oui, ok, d'accord, oui, pardon, oui, j'ai pas suivi. Okay. Donc moi je me suis fié vraiment au prix qui était marqué sur le site internet de transfert. C'était assez market. Réaliste, hein, parce qu'il était pas loin de à 3 millions près. Après ça dépend des joueurs, il y en a qui sont vraiment sous-cotés aussi. Oui, c'est pareil, oui, parce que entre autres Pedro là qui est au Brésil, 1,5 million, alors qu'ils en veulent 12 millions. D'accord, donc t'as vendu Malcolm. Donc moi je vais partir directement sur les ventes et puis je vais expliquer après les achats que j'ai fait, parce que j'ai vraiment fait un grand ménage, on va dire, parce que on part dans une nouvelle ère, faut vraiment relancer le club. Je pense qu'il faut vraiment faire du ménage dans tous les joueurs, on va dire, qui n'ont pas vraiment le niveau. Oui, d'accord. Pour vraiment faire une saison complète et puis vraiment apporter quelque chose à une équipe qui veut jouer la Coupe d'Europe. Bordeaux, c'est une institution. Le club Bordeaux, c'est une marque. Il faut vraiment la représenter à l'international et il faut vraiment, vraiment montrer qu'on n'est pas un club, entre guillemets, de seconde zone qui joue le bas de tableau. Moi, je suis parti donc sur une vente de Malcolm, de Préville, Plasil, Laborde, Cafou, Vada, Pelnar, Levchuk, Jovanovic, Prior et Sabali. Ah ouais, j'ai compté Sabali vraiment parce qu'il y avait les discussions avec Naples qui étaient en train de se faire. T'as fait un bon petit coup de balai quand même. Ça fait combien en tout? T'as gardé ça fait 11 ventes et 2 prêts. D'accord. Oui, bon, ça fait 13 joueurs au moins. OK. Bon, alors on va pas te demander de d'expliquer à chaque fois les 13 parce que ça on va y passer la journée sinon. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que dans la liste que tu as donnée, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui soit n'ont pas le niveau, soit sont un petit peu en dilettante depuis en deçà de leur niveau depuis un petit peu trop longtemps. OK. Voilà, tout à fait. Moi à vrai dire, je voudrais revenir juste sur certains joueurs. Vas-y. Plasil, on va dire c'est vraiment une question d'âge. Moi, je l'aurais plutôt mis vraiment dans le staff plutôt que de le vendre, parce que je pense pas qu'à son... Ça, on va dire c'est presque une place... on va dire c'est pour rester dans la limite des 25. Après, moi, je te le dis comme je le pense, pour moi, Plasil, il prend la place clairement de pour moi, c'est une place... C'est, tu joues avec un mec en moins dans ton effectif. Voilà, ça, c'est exactement. Que mon avis. Mais exactement, je parle pas c'est un de... très bon joueur, mais c'est un joueur qui arrive quand même vraiment sur la fin. Et c'est surtout pour le peu de fois que tu l'utilises dans l'année, quoi. Voilà, exactement. C'est pas qu'il est pas bon. Un quatrième gardien, que j'ai envie de dire. On a beaucoup de gardiens à Bordeaux. Là, on a prêté Bernard Denis, mais on a quand même trois gardiens encore. On a Costine, Poussin et Mandanda. C'est ça. Et Prior. Donc, et Prior. Ça fait 5 gardiens. Moi, c'est vrai que j'ai mis Prior dans les ventes en même temps. Mais certains veulent encore que Carasso revienne, t'es. Voilà, en plus, il faut miser sur l'avenir. On a Bernard Denis qui va revenir de près de Nîmes. Ça a été le meilleur gardien de Ligue 2. Ça va être un des meilleurs gardiens de Ligue 1 pour moi. Hein. C'est vraiment un jeune qui a énormément de potentiel. Hein. Faut vraiment garder en tête que ce joueur-là, quand il va revenir chez nous, il va vraiment tout casser, à mon avis. Hein. Ça va être le futur ramé, on va dire, de l'équipe. Quoi. Ça va être un joueur qu'on risque d'avoir sur 7 ou 8 ans et qui va vraiment s'imposer et qui va vraiment nous sauver des matchs. Vraiment, à des moments où on s'y attendra pas, à mon avis. Et donc après, au niveau des recrues, t'as fait quoi? Alors pour les recrues, donc je suis parti sur Aïd Benacer qui joue à Monaco, enfin qui était prêté à Caen cette année. Pas mal. Parce que techniquement, c'est un joueur qui apporte beaucoup mieux de terrain, il est capable de se projeter vers l'avant, mais il sait aussi faire les efforts défensifs, donc c'est un milieu relayeur. Ensuite, je suis parti donc sur un arrière gauche parce que faut dire ce qui est, j'adore Pungé, mais en remplaçant, pas en titulaire. Hein. C'est un bon joueur, mais voilà, qui est sur une saison complète, je suis pas sûr qu'il puisse vraiment faire une grosse différence. Jérôme Roussillon, donc qui joue à Montpellier, donc qui défend convenablement, qui apporte beaucoup sur le secteur offensif avec une bonne capacité à centrer. Qu'on annonce à Wolfsburg. Pardon? On l'annonce à Wolfsburg. Qui ça, oui, pardon? Tout à fait, oui, il a annoncé à Wolfsburg. Et Roussillon. Ça, ouais. Ah d'accord, ok. Ensuite, moi je vais partir donc sur Simon Kier qui joue à Séville. Donc c'est un défenseur central hein, qui a déjà joué en Ligue 1. qui a que 29 ans, mais il a l'expérience internationale parce qu'il joue dans sa sélection. Il a l'expérience des matchs de Coupe d'Europe avec Séville. Donc ça peut être, on va dire, une bonne expérience, sachant qu'on aurait quand même le départ de Levchuk et de Jovanovic en défense centrale. Ça peut être quelqu'un qui peut vraiment apporter quelque chose en plus à la défense, de l'assurance. Puis après, il nous resterait quand même Pablo, il nous resterait Paul Bayes. T'as Paul Bayes et Koundé. Voilà. Donc ça va. Donc ça ferait quand même une bonne charnière centrale, on va dire. Ensuite, j'ai compté Zambo Anguissa, donc le joueur de l'OM. Alors mm-hmm. Je risque de me faire des ennemis, je suis au courant. Non, mais c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, moi, ce que je dis, Zambo Anguissa, je l'ai vu jouer, on va dire, j'ai suivi un peu la Coupe d'Europe, parce que je suis tous les clubs français en Coupe d'Europe. J'ai suivi Marseille en Europa League. J'ai vu que Zambo Anguissa, il a joué la demi-finale, entre autres, hein, joué la demi-finale retour, aller et retour en milieu défensif, à la place de Luis Gustavo, qui était en défense centrale. Et franchement, c'est un joueur qui peut devenir un titulaire indiscutable dans une équipe. Bah, pour l'instant, il est bloqué par Luis Gustavo à l'OM, mais je pense que s'il venait chez nous, il pourrait être, on va dire, un petit peu comme Alou Diarra à l'époque en 2009, c'est-à-dire vraiment le pilier qui permet de solidifier encore plus la défense. Moi, j'ai juste un petit bémol sur Zambo Anguissa, c'est qu'il a été grandement bonifié par Luis Gustavo. Gustavo était défenseur central. Mais pas seulement Zambo Anguissa l'année dernière sans Luis Gustavo, c'est pas du tout le même joueur. Bien sûr. Mais le Zambo Anguissa, c'est surtout le prix qui est là, c'est son prix. Ça à 18 millions. C'est son prix. Ouais, mais on parle en Angleterre à plus de 20 millions. Payer 18 millions, est-ce que ça vaut le coup sur un joueur? Non, mais c'est grosso modo, c'est son prix. C'est son prix qui, vu que le profil peut être intéressant pour être solide, mais le prix, peut faire peur. Oui, après, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment son prix sur le marché. Aujourd'hui, s'il part, Zambo Anguissa, c'est dans ces alentours-là. Peut-être même un peu plus. Julien, la suite ? Oui, alors par contre, je tiens à préciser quand même que, on va dire que j'ai quand même essayé de rajeunir un maximum l'effectif. Oui, on a vu ça. Parce que je pars un petit peu sur le principe qu'on doit faire, exactement comme vous le disiez tout à l'heure, un petit peu comme Porto. C'est-à-dire vraiment essayer de miser sur la jeunesse pour essayer de tirer une plus-value. Je pense que c'est comme ça, on va dire que si les Américains veulent faire des bénéfices chez nous, ça va être la seule réelle solution. Parce que il va falloir faire de la plus-value avec les ventes des futurs joueurs qu'on aura. C'est-à-dire les jeunes. On ne peut pas vendre tous les joueurs ne sont pas des Cristiano Ronaldo qu'on vend 105 millions à 32 ans. Hein. Ça, c'est. Faut être réaliste là-dessus de toute façon. Donc moi j'ai pris ensuite Umut Bozok, qui joue à Nîmes actuellement. Parce qu'il a des qualités. Meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière. Meilleur buteur de Ligue 2. Qui est entre guillemets que à 3 millions, estimé qu'à 3 millions. Cyril, tu l'aimes bien toi ce petit joueur. C'est vrai qu'il a que 21 ans, il est encore jeune, hein, mais ça peut être un joker de luxe. Même s'il a été formé à Marseille Consolo. Oh bah oui, c'est pas grave. Dans ce sens. Non mais c'est surtout que au-delà du fait qu'il soit un bon joueur et tout ça, quand on a découvert aussi sa personnalité l'an dernier, c'est quelqu'un qui a l'air posé et bête et mais juste bon. Disons joueur. Que c'est le moment de le prendre. S'il explose cette année en Ligue, à Nîmes, après c'est mort. L'année prochaine, il est pas en France, il est à l'étranger. Déjà là, ça va être chaud d'aller chercher. Comme Toko Ekambi qui était arrangé cette année. Hein. Oui, en fait, Toko Ekambi, il a quand même plusieurs saisons pourries après, à Sochaux et à Angers, il a quand même. Umut Bozok, très bien. Ne perdons pas de vue quand même qu'il n'a aucune référence en Ligue 1. Mais attention, voilà, c'est pour ça que j'ai préciser que ce serait un joker de luxe. Bozok, il a que deux saisons. Il a fait une saison en national à Marseille Consola où il a plus de 20 buts en national. Et après, il part à Nîmes où il est à plus de 20 buts en Ligue 2. Voilà. Donc ça a l'air quand même d'être un sacré buteur. Mais est-ce qu'il aura la densité physique pour s'imposer en Ligue 1 ? C'est une des interrogations. Moi, j'attends de le voir peut-être pas face à Paris, mais quand il va falloir que Nîmes. Et viens face à Pablo Koundé, tu vas voir déjà. Se trimballe, ne serait-ce que Bordeaux, des défenses comme Bordeaux, Saint-Étienne, Monaco, Lyon, Marseille. Je pense à Dijon ou encore que. Mais attention, mais c'est pas simple, c'est pas toujours simple. Clairement. C'est pas, ça va plus vite, c'est plus physique. Enfin, bref. Julien, est-ce que je t'ai interrompu. Donc après Umut Bozok, donc je suis parti moi sur un milieu de terrain. Donc qui se trouve à Monaco, c'est Beauchilliard. Ah oui, je comprends pas aussi ce garçon qu'on se soit pas au moins intéressé à lui, sans parler de faire une offre ou quoi, mais au moins s'intéresser à lui. Moi, honnêtement, je l'ai mis en prêt. J'ai demandé en prêt, c'est impossible. Avec une option d'achat si possible. Parce que Monaco va peut-être vouloir, on va dire, faire un peu comme Bernardo Silva, c'est-à-dire, on va dire, le garder 4-5 ans et puis le revendre avec une plus-value énorme. Ah non, acheter, c'est hors de prix. Enfin, Il y a Golovin qui est sur son poste, donc on peut penser qu'il est bloqué pendant quelques temps. Il y a Golovin qui vient d'arriver. Comme Golovin vient d'arriver, en plus, ça risque de, on va dire, de le bloquer un petit peu au niveau temps de jeu, donc ça peut être intéressant pour lui de venir chez nous. Et Rudy Lopez qui est en forme. Au moins de se faire une saison complète titulaire, ça pourrait être, puis pas dans un club, on va dire pas dans un club de Ligue 2 par exemple. Pas dans un club cramé comme Nantes quoi. Oui, exactement. Bim. Ensuite, donc moi je suis parti donc sur Rémi Cavella. Parce que pour moi, il est bloqué à Marseille, hein, honnêtement. Il fait une super saison à Saint-Étienne. Apparemment, va faire un espèce de petit forcing pour le récupérer. Le racheter, ouais, c'est, il a fait une super saison à Saint-Étienne. Moi, pour moi, honnêtement, Cabella, ça pourrait être le remplaçant de Malcolm. Parce qu'il a, vraiment. J'ai un petit bémol sur ça, c'est que pour moi, Cabella, c'est pas un joueur de couloir, c'est vraiment un joueur d'axe. Ouais, dans un autre style. Oui, mais c'est un avantage aussi, c'est qu'il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite et il peut jouer 10. Ah oui, non, mais parce que moi, j'ai ta compo sous les yeux où tu mets Bosquilla vraiment en 10 et Cabella à droite. Moi, j'inverserais plutôt les postes. Oui, je sais bien. D'ailleurs, il me semble que j'avais dû le préciser justement que je pouvais inverser les deux. Enfin, on pouvait inverser les deux. On peut mettre Bosquilla à droite. Et Cabella dans l'axe en 10, hein, enfin en milieu offensif. C'est vrai que c'est un avantage qu'il a, c'est qu'il est, il apporte beaucoup offensivement. 9h15. Oui, exactement, 9h15. Alors ensuite, donc, je suis parti sur Julio Tavares de Dijon. De Dijon. 12 buts, 3 passes D pour un attaquant. Hein, c'est pas mal. Voilà, c'est, et puis à Dijon. Oui. Alors Dijon a proposé un très bon jeu cette année en plus. Voilà, ils nous ont battu chez eux 3-2 justement. Et c'est vrai que c'est une équipe qui, voilà, c'est vraiment une équipe dans laquelle il a explosé. Alors après, est-ce qu'il exploserait, on va dire, dans une équipe, on va dire, supérieure, sans manquer de respect à Dijon, bien sûr. Mais dans une équipe supérieure, est-ce qu'il exploserait? Ça, c'est, entre guillemets, quelque chose qu'on peut pas prévoir à l'avance, malheureusement. Mais c'est quand même un joueur qui est costaud, un petit peu dans le profil de Mendy. Embauché. Un petit peu dans le même style, en fait, hein, dans le même style de jeu, quoi. Il est costaud, il a droit devant un but. Et c'est vraiment ce qui nous manque chez nous, quoi. On n'a pas l'attaquant, le finisseur, quoi. Donc je pense que ce sera un joueur qui pourrait vraiment être bien pour nous. Le prochain? Alors le prochain, Pedro. Pedro, le Brésilien de 21 ans. Tu fais combien d'attaquants t'as pour un seul poste, du coup? Tu m'as sorti donc Pedro. Ouais. Tavares, ouais. Bouzoc et Alcacer. Donc tu gardes Mendy, c'est ça? Non, Mendy a conservé. Oui, donc tu gardes Mendy, donc pour, tu joues en quelle composition? 4-3-3? Oui, 4-3-3. Bon, bah après on va dire, ça peut être variable aussi. Hein. C'est vrai qu'on peut pas toujours prévoir, entre guillemets, ce qui va se passer. Il t'en manque combien là? T'as dans ton recrutement là, t'as tout donné ou il t'en restait? Il m'en reste un après. Alors c'est qui? Et ben, après Pedro, il reste Paco Alcacer. Ah bah oui, tu l'as dit. Du Barça, parce que c'est le sixième choix de l'entraîneur. Bon, en prêt, on est d'accord. Voilà, en prêt, parce que c'est le sixième choix de l'entraîneur. Mmh. C'est un joueur qui est arrivé il y a 2 ans de Valence, si je me trompe pas, ouais. Et qui au bout du compte au Barça est bloqué. Un sixième choix au Barça, ça peut être un premier choix en France. Hein. Alcacer, largement. Moi, pour moi, le fait qu'on le prenne en prêt, ça pourrait être, alors, en plus avec l'histoire de Malcolm, qu'on ait préféré leur vendre eux plutôt qu'à la Roma, on peut profiter de ce moment-là. Ouais. Et puis leur demander Paco Alcacer en prêt, qui derrière, s'il réussit une bonne saison en France, peut être une plus-value pour eux. Et une phalange de Messi dans la foulée, on est fou. Oui, parce qu'avec nos moyens, on se perd à peine une phalange. Oui, quand il aura une quarantaine d'années, alors pas avant. Le petit orteil, le sixième. Celui de Keita, tu sais qui. Alors sinon, Paco Alcacer, je disais, oui, c'est vraiment le sixième choix, on va dire, presque pour l'entraîneur, qui a Messi, Suarez, Dembélé, Coutinho, et maintenant il y a Malcolm en plus. Donc ça risque vraiment être un choix par défaut, mais vraiment en cas d'hécatombe, ou alors il va jouer les matchs de coupe. Donc ton 11 type, ça donnerait quoi? Alors mon 11 type, ça donnerait... Ah, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un, c'était juste en cas de départ de Sabali. J'avais prévu donc soit Souké qui est à Nice. Et dont Nice a annoncé qu'il voulait s'en séparer cet après-midi. Voilà, exactement, surtout qu'il est indésirable à Nice actuellement. Donc malgré qu'il ait fait une saison plutôt correcte, je trouve, honnêtement. Donc, oui. Donc soit s'il reste, on va dire, avec les négociations de Mbabu là qui joue en Suisse, soit directement partir sur Souké, on va dire, si le tarif est plus convenable, étant donné qu'il est évalué à 4 millions et demi, quoi. Donc pour revenir sur le 11, sur le 11 de départ, donc moi je partirai avec Costil. Donc ensuite à droite, Sabali ou son remplaçant, c'est-à-dire soit Souké, soit Mbabu. Mmh. Ensuite dans l'axe, donc on partirait sur Pablo avec Simon Kier. À gauche, Jérôme Roussillon. Ensuite, en milieu défensif. Ça mon poste défense, là, surtout de l'axe central et côté gauche, ça va falloir faire gaffe au niveau des cartons. Hein, parce qu'entre Roussillon, Pablo et Simon Kier, mais ouais, sinon, ça a de la gueule, ouais. Bah après, c'est des romantiques. On a quand même Koundé, on a Paul Bayes aussi, quoi. Donc, ça reste. Oui. C'est l'avantage, on va dire, moi, vraiment l'inconvénient qu'on avait l'année dernière, c'est de pas avoir les postes limite doublés à chaque ligne, hein, parce que voilà, on manquait vraiment de doublure sur les postes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a recruté Paul Bayes à la trêve. Bon, on a eu l'explosion de Koundé entre deux, qui a fait que vraiment, Paul Bayes, on va dire, sans lui manquer de respect, était un petit peu inutile au bout du compte dans le transfert. Mais c'est vrai que Koundé a fait énormément de bien à la défense. Ton milieu de terrain. Alors le milieu de terrain, donc je disais, je pars sur Zambo Anguissa. En milieu défensif, donc devant la défense à 4. Ensuite, alors que je ne dise pas de bêtises. le Rager Bochilia, tu nous as dit. Oui, c'est ça, le Rager Bochilia, tout à fait. Et donc à droite, Cabella, en pointe, Alcacer, ou Pedro, bien sûr. Et à gauche, j'ai un trou de mémoire. Camano. Et Camano à gauche. Tu laisses Camano titulaire dans cette équipe, putain. Oui. Non mais il aime pas du tout Camano. Hein. Ah ben je sais pas que je l'aime pas. Peut faire deux buts, il dira. Absolument pas. Non, moi, c'est je trouve faux. Qu'il quand je suis au stade et que Rabé, alors c'est complètement faux. Quand je suis au stade avec Marc et qu'il marque deux buts, je dis oui, il fait un bravo, il a marqué. Bravo, il a marqué deux buts. Mais je quand suis il désolé. Marque pas, il dit t'es con, mais t'as je pas marqué. Suis désolé, le fait qu'il marque deux buts dans un même match et que en même temps il réussit 2% de ce qu'il a fait sur les 100%, c'est-à-dire les deux buts, c'est très bien, mais ça ne l'exonère pas. Pour moi, c'est un tout droit, Camano. Ah, donc, mauvaise foi du type. On va pas faire le débat, Camano. C'est sûr, Marc, parce que je suis suffisamment sûr de moi pour savoir qu'on le refera plusieurs fois dans la saison. C'est tellement mauvaise foi sur ce allez, point-là. On enchaîne. Parce j'aime, qu'on beaucoup j'aime beaucoup t'entendre dire que au stade, tu sais dire que c'est bien. Parce que quand c'est bien, généralement, tu dis j'ai pas vu. Mais moi, je m'extase pas quand Camano marque un but. Ah, tu vois Camano. Ouais, ok, bon, il a mis un but, c'est son boulot. Je vais pas m'extaser. Je m'extaserai quand Camano il fera au moins, allez, on va dire 10 match stable dans la saison. C'est-à-dire pas un coup il est bon, un coup il est nul, un coup il est moyen, un coup il met deux buts, un coup il est nul, un coup il est moyen. Il est jeune encore, hein, oui. Il a 21 ans. Donc hein. Je lui mets ça sur le dos. On va avancer. Bon alors Van Pils, voilà. Si, on va en parler. Ouais, mais alors il va falloir vite parce qu'il y a ton équipe. Non, il y a l'équipe pas, Adrien. On fait pas nos équipes. Alors on les fait pas. Non, on présentera nos équipes la semaine prochaine. Oh, on les fera vendredi. Et déjà pour dire aussi sur les. Tout déjà sur le chat. Merci Julien, excuse-moi. Et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez pensé déjà du Mercato GA et est-ce que à l'avenir vous aimeriez bien qu'on continue. Et surtout, voilà, il nous reste 10 minutes pour faire Van Pils. Julien, tu veux rester avec nous pour terminer l'émission, parler de jeudi? Oui, pas de soucis. Allez, tant qu'à faire. Vu que t'es là, on te tient. Bon. On va te garder. Et nous, vendredi, on parlera du mercato de Adrien et de Fansou qui l'a fait. Alors, juste, t'as un petit message sur Twitter. Oui, je sais, j'ai vu. Il y a Thibaut qui te dit on peut rappeler à Seb que Plasil. Que l'on salue. Bah oui, non, a plus Thibaut, fait que simplement dépanner la saison dernière. C'est vrai. Que la seconde partie de saison, il a été beaucoup plus qu'une simple. C'est vrai. Mais alors, Thibaut, qui est un ami que je salue. D'ailleurs, Thibaut, tu viens. Mais non, mais rigolez pas, quoi. Oui, Thibaut, on le connaît pas, Thibaut. Il est en vacances avec sa. En plus, il est en vacances. Kiff. Et puis, il revient quand tu veux, évidemment. La porte est ouverte. Non, mais Thibaut, il a raison. C'est vrai ce qu'il dit. Je vais pas vous dire non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il a souvent dépanné, machin, tout ça. Mais. Enfin, moi, je sais pas. Quand je le vois, regardez-le. Alors l'année dernière, putain, à l'échauffement pendant les matchs, le mec il était derrière les buts, il ramassait les ballons, quoi. Moi je veux bien, mais okay. Non, mais c'était juste une phrase. Maintenant on peut passer. Vas-y. Hein? Vienne pile. Oui, Vienne pile. Maintenant ceux qui l'ont vu, vous pouvez parler. Alors ouais, qui a vu le match déjà? Adrien et Enzo. Bon, Julien, t'as vu le match ou pas? Oh putain, 3 sur 3, 3 sur 6, on est pas mal. Alors, bon, rapidement, mais très rapidement, 3 minutes sur le match et 6 minutes sur la suite. Julien, ce match, moi je t'avoue que j'ai vu que le coup franc, donc oui. Très beau coup franc, ceci dit magnifique, de Zaïdou au bout de 3 minutes. Oui. Commenté par Rico au téléphone. J'étais en bagnole. Commenté par Rico au téléphone, c'était magnifique. Et but. C'était splendide. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On retient que le but? Alors, je sais pas, le niveau de l'équipe d'en face, qu'est-ce qui t'a... Les jeunes, Zaïdou, Tchouaméni. Ouais, c'est ce qu'il faudra retenir, hein, parce que. Sans carré en pointe. Oui, sans carré, non, on voit bien que c'est pas son poste. Hein. On voit bien qu'il était perdu complètement. Hein. Il faisait beaucoup de retours défensifs alors que c'était pas du tout le rôle qu'il aurait dû avoir. Bon, évidemment, après, on savait. Le principal, on retiendra, c'est la victoire, évidemment, hein, parce que c'est vraiment ce qu'il fallait. Mais bon, non, le niveau n'était pas là. Hein. Si on joue comme ça contre une équipe de Ligue 1 qui est en pleine forme, on en prend 4, hein, faut dire ce qu'il y a. Après, attention, hein, c'est, on est en plein. Pour moi, on a vu un match amical. Hein, pour moi, c'est un match d'entraînement. C'est ça aussi, il y a un gros déplacement. Ça faisait un gros déplacement. Et puis, c'est, on va dire, des joueurs, on va dire, qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le niveau que nous, on devrait avoir. Donc bah, ils ont tendance à rentrer un peu plus dedans, ils ont tendance à faire plus de fautes. Bon, c'est vrai que sur le match, faut retenir que le coup franc de Youssouf qui est vraiment magnifique, hein, parce que moi honnêtement, quand je l'ai vu en direct, je pensais qu'il allait centrer. Ah, il lui met. Alors elle est, pas vraiment, vraiment, elle est sous la barre, mais pas vraiment pleine lunette. Elle est. Le gardien, perso, je le trouve un peu. Bah, je pense qu'il a été surpris un petit peu suspect. à l'image d'Areola contre Fekir l'année dernière lors de Lyon-Paris. Il s'attendait plus à un centre et puis il a été surpris par la trajectoire, hein, je pense. Adrien Enzo. Non, c'était un match solide, on va dire. Un peu de problème au niveau offensif, mais voilà. Et puis sans carré, ok, c'est pas son poste et tout ça, mais j'ai eu un peu du mal. C'est même sur les duels aériens, je le sentais pas tellement présent. Mais voilà, pour moi, sur le match retour, il vaut mieux. Déjà, on risque de voir une meilleure équipe de Bordeaux. Puis il vaut mieux mettre Laborde ou De Préville qui ont fait la préparation. Voilà. Enzo. C'est ça, le souci c'est que les Gonds, ça fait quand même quelques matchs qu'ils jouent. Déjà ils sont en pleine bourre, eux. Contrairement à nous, qu'on vient juste de commencer. Il y a eu, bon, c'est tout con, mais nos internationaux, c'est triste, c'est à la fois cool de dire ça. Nos internationaux qui viennent de revenir, le Rager. Nos internationaux, t'as le Rager, ça va, oui, bien sûr. Soit, mais... pas, on regarde pas. Quand tu vois, Savali qui est blessé en plus. Le Rager, il est revenu direct, il a directement joué. Ah ouais, lui, il est revenu, je crois, début juillet. Il a fait 3 entraînements. Il a même pas fait match 13, je crois qu'il l'a repris. Et c'est quand même, enfin, ce match, même si dans le fond de ça, on savait que ça allait être un match comme ça compliqué, c'était le principe d'avoir de gagner au minimum 1-0. Voilà, il faut voir le côté positif. Ça. Pas de blessés, c'est ça. Tu gagnes. Et ça pouvait être un peu le. Alors, c'était pas vraiment un stade piège parce qu'avec une tribune, c'était pas vraiment. T'étais pas oppressé par le public. Mais alors je vous avoue, j'ai pas vu le match. L'état du terrain, je sais pas dans quel état était le terrain. L'état du terrain était convenable quand même. Il y avait pas de. Tu peux te dire que quand tu vas à Ventspils, 3000 personnes, tu te dis c'est peut-être un terrain un peu pourri. Des mecs qui. Est-ce que c'était un match un peu. Est-ce que les mecs d'en face. Par contre, ça tapait bien. Un peu du bois, tu vois. Mais que ce soit du côté bordelais ou de Ventspils, ça mettait des bons coups et tout. Et autres. Par contre, moi, un mec qui m'a fait plaisir. Alors ça va peut-être te faire sauter, mais c'est Camano, même si il a pas été non plus incroyable, il a arrêté même... avec non, ça. Non, mais si tu sais. Me dis, je sais, Camano, il a fait un bon match, je te dis, ok, Enzo, Camano, je te crois, il a fait un bon match. Bien sûr. Mais je trouve dans le fond, il a fait un bon match. Il a quand même été plutôt intéressant. Il a pas mal provoqué. Après, le souci, c'est c'est qu'on n'avait pas d'attaquant, donc on n'avait pas non plus. Ben, on l'a vu quand même si De Préville a été. Donc on est d'accord. Et Laborde et De Préville étaient sur le banc. C'est ça. Physiquement prêt, mais sur le banc. Physiquement prêt, on n'est pas sûr parce que quand on voit la rentrée de Préville, on sait pas s'il était vraiment sûr, mais c'est clair qu'après Laborde, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant quand il est rentré. Il a quand même montré que pour moi il devrait jouer à la place de. D'accord. Julien, quelque chose à rajouter avant qu'on passe au match de jeudi? Non, bah après voilà, on a fait le taf. Tout a été un peu. Allô Julien? Voilà. Eh ben Julien, écoute, si tu nous entends ou Enzo vous renvoie un message, s'il veut alors finir la dernière. Je te souhaite une bonne soirée puisque de toute façon il reste 3 minutes, on a le temps et même si on finit à 32, c'est pas grave. Vendredi, deuxième émission, on a fini à moins le quart. On a tenu une émission. C'était bien. Mais ça serait bien qu'on tienne. Mais du coup, même si on finit pas à 30 piles, c'est pas un drame. Du coup, quand il parle, oui, il parlait de jeudi. Yes. C'est vrai, je m'auto. Jamais le Comedy Club. Non, mais tu as raison. J'aurais dû le tenter, je l'ai pas fait. C'est une honte à moi. Mais. Premier jingle lancé par Seb qui marche. Oui. Si. Ben oui. Et oui, c'est rare d'habitude que ça marche. Sinon, pour Enzo parlait de Laborde qui pouvait être potentiellement titulaire pour jeudi prochain et qu'il voyait titulaire, c'est le même cas pour moi d'un joueur comme Gaïch. où tu lui fais jouer toute sa préparation et tu lui dis finalement ah ben non je vais mettre les tchouks. Alors s'il a dit que c'est pour le moment et j'en avais besoin pour le moment, alors on va lui faire confiance. Mais c'est un match où t'es à domicile, t'es censé plus maîtriser tout ça. Donc allons-en un jeudi, match retour 20h45, qui sera au stade? Moi il faut que j'achète les billets. Bien joué, bon on sera deux. Marc sera pas là? Moi j'y serai et t'as pas besoin d'acheter ton billet puisqu'il est compris dans l'abonnement. Oui mais j'ai pris mon abo mais il n'y avait pas les cartes encore, faut que je récupère. Ah. Donc 20h45, match retour. Bon, j'ai envie de vous dire les enfants, alors bon, en dehors du fait que à titre personnel je serais très content de remettre les pieds au stade parce que j'en peux plus, ça fait deux mois et que même à la Coupe du Monde c'est top mais t'es pas au stade. On va avoir ce beau maillot rouge bordeaux magnifique. Porté et enfin Marc on nous a pas mis le rose en Coupe d'Europe. On fera un débat nouveau maillot la prochaine fois. C'est le rose qui est dégueulasse. On est d'accord, même avec une équipe remaniée comme il a mis à l'aller, même si met Tchouameni, Koundé, je sais pas qui, c'est une jeunes, équipe solide. Avec une victoire 1-0, il est juste inconcevable. Mais quand je dis inconcevable, c'est même, ça veut dire qu'il faudrait que tu perdes 2-0. Non mais là c'est inconcevable. Le souci là franchement, quoi que tu me diras dans le football. Là tu vas voir le match, tu vas voir le match jeudi, c'est vraiment, enfin c'est vraiment vraiment faible. J'ai pas vu le niveau, c'est pour ça que je peux pas vous dire. C'est vraiment faible. C'est techniquement, c'est des centres qui atteignent au quatrième poteau, c'est des frappes qui partent en touche, enfin. Et leur attaquant là, Nkele, je sais pas quoi là. Alors lui, Nigérian, on l'a pas énormément vu du match. C'est vrai que défensivement ils ont été quand même assez solide Bordeaux, même si bon après bien sûr il y a eu des petites lacunes, mais c'est vrai que lui on l'a pas vu. Moi je m'attendais à voir que lui parce que tout le monde en parle que de lui, mais au final je l'ai pas vu sur le terrain et c'est pas forcément lui qui m'a le plus impressionné en face. Après franchement moi ce qui je me dis, si on passe pas contre une équipe comme ça, c'est que vraiment il y a un souci parce que vraiment en face c'est techniquement c'est un problème. Franchement pour moi c'est même pas c'est limite niveau Ligue 2 quoi. C'est vraiment t'es gentil parce que moi j'ai même lu genre national voire pour moi c'est vraiment faible. Et pourtant tu te dis que le souci c'est même pas ils sont en reprise, les mecs qui sont en pleine bourre quoi, ils sont en plein dans le championnat. Après, c'est leur niveau. Oui bien sûr, c'est pour ça. Donc au niveau où on est, même sans les recrues, sans notre vrai 11 et autres, on est obligé de passer. Pour terminer rapidement, Adrien, parce qu'on dépasse, c'est que Marc et Cyril, ils n'ont pas parlé encore. Et à noter aussi que Julien vient de m'envoyer un message, il a eu une coupure d'électricité. Ah mince, écoute, remercie-le, merci à lui d'avoir participé, tu peux le remercier, et puis bon, on l'aura sûrement plusieurs fois dans la saison. Rapidement, Marco, Cyril, vous attendez quoi de ce match-là? Juste une qualif, pas forcément. On est d'accord qu'en termes de jeu, on attend rien. Non, mais que la qualif. Voilà. Et juste que Payet redevienne lucide, qu'il se dise qu'il a quand même un groupe à gérer cette année, qu'il ne va pas voir partir tous ses attaquants, et que s'il veut pas se retrouver avec un vestiaire contre lui, faut qu'il arrête les conneries. Pour moi, ce qu'il a fait au match aller, on est à la faute professionnelle. Et venez pas me parler. Venez pas me parler qu'il a pas de mercato et que nana et que c'est un signal d'alarme parce que il est aussi responsable que les autres qui n'ont pas de mercato. Donc quand tu vois un attaquant, on attaque. Mais moi, je veux qu'il joue avec moi. Je suis pas un grand fan de Depréville en neuf, mais s'il considère que c'est le meilleur, mais il met un attaquant. Il se met pas la moitié de son groupe à dos en faisant des choix qui sont totalement incohérents. Cyril. Moi, ce que je veux, c'est surtout qu'on gagne et qu'on voit les jeunes. Donc Zaïdou, Tchouameni. Toi, tu veux voir plus les jeunes sur ce match-là. Ouais, mais je veux voir. Je veux les voir. Enfin, je veux les voir influents. Je veux pas les voir 5 minutes en remplaçant. Qu'ils fassent le même. S'ils font déjà le même match qu'ils ont fait à l'aller, oui, ce sera déjà très bien. Je veux les voir influents dans le jeu. Et puis voilà. Et puis j'espère une victoire, évidemment. Écoute, avec un peu de chance, vous serez entendus tous les trois. Tous les quatre, et puis on pourra évidemment. Puis évidemment, comme Marc. Dernière information avant qu'on se quitte. Une rumeur de plus qui va venir alimenter le mercato. Les Girondins étudieraient la piste d'un attaquant de. C'est pas une blague. L'AS Roma. L'AS Roma, les enfants. Verde. Toujours à la recherche d'un attaquant, ailier droit, Daniel Verde, on peut l'oublier, attaquant espoir italien de 22 ans, passé en prêt au Hellas Vérone la saison passée, 4 buts et 3 passes décisives. Alors honnêtement, moi je suis la Roma. Tu le vois celui-là, mon gars. Je pense qu'ils vont nous laisser négocier. Et jusqu'au 30 août, et à la fin ils nous disent. Et deux autres clubs seraient sur les rangs, Reims et Benevento. Super. Donc à choisir, on est, je pense qu'en termes de je pense on est devant. pour Diabaté. Il est Diabaté sinon. Enfin, bref. Mais enfin voilà, par c'est contre, peut-être jeudi, une rumeur de plus, mais ça serait drôle quand même. Jeudi, c'est peut-être la première fois qu'on va voir l'idée de la configuration de stade en fonction du nombre de personnes. Oui, bah là, ils ont une jauge en dessous de 5000. Oui. Parce que je crois je sais pas. Oui. Parce que là, faut inventer une jauge. Non, je pense qu'il y aura. Non, il y a des touristes. Ouais, il y a toujours des touristes. Il y a des touristes, Adrien. Il y a des gens qui viennent en vacances à Bordeaux, qui sont supporters Bordeaux, qui habitent peut-être à Nancy, à Strasbourg, un machin. Pas, c'est la seule fois de l'année où ils viendront. Donc, Ou qui sont pas supporters Bordeaux et qui peuvent voir un match et viennent. Allez, mettre le match à 2 €. Je vais pas vous demander vos pronos parce que honnêtement, d'habitude on fait les pronos. Je vais pas vous demander votre pronos face à une équipe qu'on connaît pas. Donc ça va être un petit peu non. Voilà. 4-0. Par contre, on fera le pronos. On fera une ligue cette année sur oui. pronostic entre amis. Enzo partagera ça sur les réseaux sociaux et Emric sur G33. Mais on en parle. Donc merci messieurs, merci à et Manu merci Longeon. À vous avez encore été très très nombreux ce soir. Oui, sur le chat aussi, il y avait du monde, c'était sympa. Merci à vous tous. Donc merci à Manu Longeon qui était avec nous au début d'émission. Merci à Julien tout à l'heure qui a participé au petit jeu. Puis merci à tous ceux qui ont participé. Vendredi normalement, on devrait encore avoir un invité. Et puis, okay. je te crois. Et puis, non, mais c'est et à lire vendredi. Demain, et voilà, lire demain un article. À lire un article demain de Emery Ten qui sort dans l'équipe. Il risque d'y avoir des infos qui peuvent sortir. Ils l'ont annoncé comme ça. Non, mais c'est. Non, c'est un article sur Poyet. Donc, ah voilà, d'accord, c'est tout ce qu'on sait. D'accord. D'accord, ok. Donc demain dans l'équipe. Ouais, vendredi, il risque d'avoir Rico. D'ailleurs, ça va être une grosse émission. Rico, Jade qui seront sûrement là. Rémi sera peut-être de retour. Ça va être un boxon. Ça va être bien ça. En plus, on sera le lendemain du match. Il y a peut-être Baptiste le Caplin qui nous a écouté durant l'émission. Donc s'il nous écoute toujours, bonsoir. Si Baptiste, tu nous écoutes, Baptiste, on t'attend en studio. Faut surtout qu'on le recontacte. Et surtout même par téléphone si tu peux pas être en studio. Mais c'est les vacances. Donc un peu de chance, il est dans le coin. Mais appelle-le toi, bip-le là, comment on dit là. Je sais pas quoi, envoie un message. D'ailleurs, on te demande sur Twitter, Seb. Oui, alors j'ai vu. Rémi, il a mis le jour où Seb sera sur Twitter, il neigera. Je fais alors non seulement il neigera, mais il neigera sur mon cadavre. C'est-à-dire que je serai déjà mort depuis 50 ans, si tu veux, tu vois. Et c'est pas, on te fera survivre sur ça. Oui, parce que Baptiste nous a quand même, enfin, il nous a mis un petit signe pour nous souhaiter. Et écoutez plus régulièrement l'after. Après avoir Rico et Marc qui intervenaient régulièrement dans l'after, on va se lancer. Vous avez pu entendre Enzo la dernière fois, on va se lancer dans l'after. Non, justement, on n'a pas entendu Enzo. Ouais, pas c'était trop, un peu con. Mais en fonction de l'équipe, ça sert à rien d'appeler. Là, c'est pas l'équipe non, là. C'est eux qui m'ont appelé en fait, c'est pour ça. Mais oui, c'est ça qui est pire. C'est ça qui est bien. T'as vu RMC, ils ont besoin de parler de Bordeaux. Bam, ils appellent déjà. Le souci, c'est qu'ils m'ont appelé pour passer 30 secondes. Bon, après, j'ai gagné mon petit livre et mon petit t-shirt, donc j'étais content. Mais j'ai aussi pris une livre sur la Coupe du Monde. Ouais, sur l'épopée des Bleus. Je me suis aussi fait flasher à ce moment-là parce que vu que je suivais pas trop, j'étais vu le prix de l'amende. Voilà, donc le livre il va être remboursé plusieurs fois. Allez, merci Enzo, merci Adrien, merci Marco, merci Cyril. Pardon, les phrases de fin, Enzo. Bah j'en ai pas. Bah alors passe le micro à Adrien. Une histoire à écrire. Oh, Marquinhos. Mais non. Je sens que ça va être compliqué avec Adrien cette année, mais vraiment. Cyril. Le seul unique, Didier Sénac. Wow, comme d'habitude. Et moi, je vais changer pour une fois. Non, d'ailleurs, je vais en faire deux. Ben Pils, c'est pour toi. C'est pour toi que tu joues, mais c'est la Lettonie que tu représentes. D'abord. Mais non, c'est toujours la même chose. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Et une petite pensée pour Olive, 6 ans, t'oublie pas, gros. Allez, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc vendredi 20h, 21h30, RIG90.7 FM, RIGFM.fr, G33.com pour tout ce qui est brève information. Vous allez là-dessus, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez suivre sur Twitter, Facebook, enfin tout ce qui fait Enzo là. Twitter, Facebook, sociaux, Instagram. Non, on n'a pas d'Instagram, mais pas de Snapchat. Si, on a un Instagram. On a un Instagram aussi. Oui. Instagram. Mais okay. Enfin, il est actif en match. Le podcast de l'émission arrivera quand il arrivera. Et non, mais non, Marc, je le fais d'ici, donc voilà. Ça va vite. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour passer une bonne semaine jusqu'à jeudi, et nous on se retrouve vendredi. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine sous et la chaleur. Et vous avez les derniers podcasts à retrouver, donc ils ont été linkés sur Jean-Antoine, mais sachez que sur archive.org, vous avez tous nos podcasts. On vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage au boulot si vous êtes au boulot, à vendredi, et allez Bordeaux.